Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bonjour, bienvenue et merci d'avoir pesé sur Start. Vous êtes dans la barrique numérique avec les frères Cassette, là où les jeux vidéo et la bière se rencontrent sans bug. Ni glitch. Yes, sir. Fait que moi, c'est Gilles. Moi, c'est Gaétan Cassette. Et on a aussi un invité spécial à soir. Joyeux Noël tout le monde parce que Yannick Lampron est avec nous. Oh mon Dieu! Oui! Fait que ça, c'est ton prix pour avoir gagné le concours de dessin. Félicitations. Yep. Oui, félicitations à toi qui nous a écoutés assidûment, qui nous a envoyé ton... Une belle aubergine. Ah oui. Exactement ce qu'on voulait. Je me suis forcé, puis j'aimerais quand même savoir, est-ce que le concours était truqué ou non? Il y a eu un gros débat là-dessus. Ben, l'affaire, c'est que... En fait, plus ou moins, parce que c'est plus lui qui a délai avec le concours. Fait que moi, je pense qu'il y a eu des pots de vin qui se sont passés, puis de la collusion. Je vais vous dire une affaire. De tous les dessins qu'on a eus, là, ben celui-là, Yannick, c'était le seul. Ben, tu sais, faut dire que t'as fermé le concours avant que d'autres puissent en envoyer aussi. Fait que, tu sais, c'est... Ben ouais, mais c'est pas de ma faute, là. J'ai gagné. Oui, yes, oui. Exactement. Grâce à ça, on s'est mérité une belle place à côté de nous autres. Oui, monsieur Lampron, alias Poelman sur les Twitter est avec nous ce soir. Et non seulement ça, je pense que vous les avez entendus un petit peu dans le background, on a un public en délire. C'est des fans de la barrique numérique qui ont été assez cordiales pour nous inviter dans leur antre. Fait qu'au lieu de se trouver dans la grange des frères Cassette, à soir, on se trouve dans leur local de rock. Ouais, parce que Dieu sait que ça commence à être un petit peu inconfortable sur les balles de foin, tu sais. Ça commence à faire mal. C'est un peu moyen, tu sais. En effet. Okay. Fait que on est en décembre, y a de la neige, l'arbre est plus dans ses feuilles, pas en tout. C'est à la fin de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'habitude? Ben ça veut dire qu'on manque de concepts pis de jeux à jouer, fait qu'on fait un top 5! Oui! Les bons vieux top 5 de fin fait que, d'année. On va faire partie de ceux sur RZO qui vont avoir fait des top 5. Fait qu'on risque d'être un parmi 83, je pense. Ce qui est une très bonne chose aussi. Fait que si vous n'êtes pas assez étonné de voir les top 5, ben venez voir le nôtre. On est bien ben cool. Absolument. Et qui dit top 5, fin d'année, Noël... Que de mieux pour aller avec tout ça que de la bonne bière de Noël. Ben, qu'un. Puis non seulement nous autres, on en a, notre invité en a... Et aussi, le public en délire en a. Oui! C'est quoi? Hey, j'ai ça de bien, eux autres. Quand même, hein? Maudit, ils sont pas pires, hein? Ils sont têtes, vraiment. Ils connaissent leur cue, c'est pas pire. Fait que, qu'est-ce qu'on a à soir, Gaétan? On a la Grivoise de Noël de la brasserie Le Trou du Diable. Fait que c'est une bonne petite bière forte de Noël à 7,5%. Puis écoute, ça a gagné plusieurs prix si je me fais à l'étiquette en arrière. Puis on a eu bien des bons commentaires là-dessus. Fait qu'on va, on va s'essayer. Parfait, ça. Mon cher monsieur Lampron, qu'avez-vous apporté avec vous? Moi, j'ai amené ma bière de Noël par excellence, la Weizenbock de Les Trois Mousquetaires. Je mange lapsus. Je bois toujours une bonne Weizenbock à Noël avec un petit mets surprise. Oh! Un petit gâteau aux fruits. Que M. Poelman a gracieusement apporté. Oui, et on a vraiment Thérèse qui l'a fait dans ses fours. Elle l'a fait juste pour nous. Juste pour vous autres. Elle est blood. Mais je leur ai dit que j'amenais ça à l'église. Je n'avais pas dit que j'amenais ça à l'antre du démon. OK, fait que tu n'as pas demandé c'était quoi son top 5 jeux à elle. Elle a dit des mineurs, solitaire, Miss Pac-Man, même si t'as un peu osé. J'étais trop pressé, l'autobus passait. Le petit beau taille, il est vraiment trop hot. L'autobus, je m'excuse. Qui passe dans toute la semaine. Oui. Toute l'année. C'est ça. Chanceux, je rentrerai l'année prochaine. Bon, ben écoute, sans plus tarder, je pense qu'on va y aller avec le pichit. On va commencer avec la Grivoise de Noël. On va se splitter ça. Ben, okay. Fait que vu qu'on n'est pas chez nous, on n'a pas notre belle verrerie de cristal. Fait qu'on y est allé avec du bon plastique de même. Ouais, ça devrait faire la job. Ah ouais. Puis comme c'est des petits verres, on risque de s'en remplir à plusieurs reprises parce que c'est quand même 600 millilitres. Fait que... Oui. On se créerait dans un vernissage. Yes! Ben c'est le fun d'avoir de la sélection. Mais la seule affaire, en tout cas, le danger qu'on a avec ces petits verres de plastique-là, c'est la quantité de mousse que ça risque de créer. Fait qu'il va falloir faire fait que 80% en mousse, 20% en bière, tu sais. C'est cela, oui. Puis bon. Je vois que t'as encore de la misère avec ton petit débouche, toi. Ben, j'ai pas encore essayé. Je suis juste en mode préparation parce que, tu sais, t'as pas encore fait le cue du pchit. Fait que j'attends. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui a un pchit sous moi? Là, tu l'as pas? Non, c'est ça. Fait que. Ben, écoute, je vais le faire puis tu le feras après. Il y en aura plusieurs, anyway. C'est ça. C'est pas bien grave. Oh, pelle, bon, hey. Le public en délire m'en sert un, toi, chose. Écoute. On va y aller avec cela. C'est mine aussi. Ok, on va verser ça dans des petits verres. Les petits verres sont une présentation de Dixicop. Mettons. Excusez, on va essayer de. Ben, dis-moi donc, toi, Poilman, pendant qu'on verre la. Pendant qu'on verre la bouée. On va verser la bière. Ben, ça c'est pour toi. Je serais curieux de savoir, c'est quoi ton parcours? Que fais-tu dans la vie? C'est quoi ton jeu vidéo préféré de tous les temps? Parle-nous de toi. Ouais, c'est ça. T'as gagné le concours, là, on va en savoir plus. Ouais. Je me créerai à parcelle de soleil, tu sais, quand qu'il y a... On a juste moins de trucs en papier, par exemple. Ça, c'est moins le fun, tu sais. Ouais, puis nous autres, les attouchements, on n'est pas bien fans de ça. Non. Nous autres, ben, à part quand ça inclut des chèvres ou des trucs comme ça, ça c'est correct. Là. Ça fait partie de la game, mais les enfants, moins, tu sais. Bon, outre les attouchements... qu'on a dit qu'il n'y avait pas. Ouais, ben, je suis quelqu'un qui a un petit background en informatique puis en cinéma aussi, fait que des fois, je taponne des ordi, des fois, je tourne des affaires plus ou moins bonnes, souvent excellentes, puis je joue à des jeux vidéo préférés. J'aime bien les petits... les JRPG, jeux de Japan 16. Les JPEG. Les JRPG. Puis mon jeu préféré, ça serait sûrement un mélange de mon cœur et de ma tête entre Final Fantasy IV et Final Fantasy VI. Ouais, j'ai vu que t'as tweeté pas mal là-dessus. Là. Genre, ton top 5, c'était comme juste des... Des Final Fantasy. Correct, ça. Ouais, je pense que c'était un top 5 de Final Fantasy. Moi, je lis jamais le début puis la fin d'un tweet. Je vois juste le milieu. Non, c'est ça. On a juste le numéro 3 dans un top, lui. Fait que moi, je vais l'élever à la santé de tous les cheers. Américains. Puis à notre premier invité. Hein? Oui, à notre premier... Puis à notre public en délai. Malade. Alors, que vous soyez au Canada, en Belgique ou à Chypre, merci de nous écouter. C'est vrai, parce qu'on a un auditeur en Chypre. On sait pas combien, on le salue. C'est un pourcentage de pourcent. C'est un robot ou c'est une... Je sais pas, mais ça a l'air qu'il nous écoute en Chypre. Fait que... Vous êtes big, les boys. Yes. Ah oui, fait que première gorgée. Let's go, Ben. On goûte à ça. Ah ouais. Ouais, cette grivoise est assez, ma foi. Épicée. Oui, grivoise aussi. Elle est assez grivoise. Tu vois, parfum d'épices et de bonbons aux petits fruits, blablabla, caramel, réglisse, cardamome, piment fumé. Ça fait du sens dans ma bouche. Le côté belge est quand même là aussi. Ah oui, tout à fait. On sent l'épaisseur dans cette bière. Oh, oui. C'est sûr que dans l'antre du rock du groupe de musique dans lequel on se trouve, soit dit en passant, c'est plusieurs groupes de musique. Là, on ne pourra pas en nommer un en particulier, mais on a entendu dire que Vanity Case, c'est pas mal quelque chose qui s'en vient. Ça genre, fait que c'est ça, leur éclairage est tellement mauvais ici qu'on n'est pas capable de voir l'opacité ou la clarté de la bière. Ben, en tout cas, ça... Le public en délire semble être d'accord avec moi. C'est ça. Qui c'est qui est pissé dans la bouteille avant qu'on la verse, Carly? Non, c'est l'huile, c'est ça. C'est ça, backlight, les boys. Yeah! Oh, ben, tu vois, vite de même, là, c'est opaque. C'est opaque. C'est jaune, orange, brun. Brun, un peu? Ouais. Ah ouais, il y a quelque chose d'une bière belge, là. Littéralement. Ah ben oui. Ouais, doré, ça a l'air d'un petit caramel. Là. Ouais. Mais pas trop foncé. Moi, je vais essayer de déterminer la couleur au goût. Ouais, c'est ça. Tu vois, au goût, moi, je dirais brun. Fait que, sans plus tarder, ou sans tambour ni trompette, ou en tout cas, casse-noisette et tout, là. Top 5 2014! Oh! Yeah! Ouh! Fait que... Oui, absolument. On a ici des gens très bien préparés, en l'occurrence... Là, faut-tu boire pour vrai? T'as boit tout. Ben, qui est-ce? Ouais, pas juste écouter. Hey boy! T'as même le droit de faire aller ton on-tap pendant, là. Oh, shit! Hey, c'est... Non. Mais non, se voir si on boit vraiment, écoute l'épisode de Saints Row 4, écoute le début, écoute la fin, tu vas voir qu'on a vraiment bu la buteuse. Absolument. Puis ça veut tout dire. Le but n'est pas nécessairement de l'avoir toute bu pendant l'émission. Mais des fois, ça arrive. Mettons qu'elle était bien bonne. Elle avait un bon facteur yul. Oui, facteur yul, quelque chose qui est un élément qu'on n'incorpore pas assez souvent, je dirais, dedans le tout. Que vous avez arrêté d'incorporer, il me semble que... Ouais. Ouais. On parle pas assez du facteur yul. Bon, ben regarde, on va parler d'une résolution 2015. Là. Facteur yul is back. Ouais. Hashtag facteur yul. Donc, ça pour dire, top 5. Fait top qu'on 5. Va commencer avec notre invité, vu qu'il est plus préparé que tout le monde. Ça, j'allais dire, puis il y en a des bien préparés. Fait qu'on a M. Lampron ici qui a bien fait ses devoirs. Fait qu'on va. Selon moi, là, je dis, on y va chacun 5, 4, 3, tu sais, oui. Genre à tour de rôle. Ouais. Ça va faire plus de sens que chacun son top 5. Ouais. Fait que, let's go, ton numéro 5, c'est quoi? C'est qu'est-ce? Moi, mon numéro 5, as-tu des tambours? As-tu. Oh, Walking Dead saison 2! Yeah! Oh! Gros gear! Yes! C'est la preuve qu'on est dans un local de rock. Mais oui, c'est Walking Dead saison 2 pour des bonnes et des mauvaises raisons. Let's go. Premièrement, ceux qui ne sauraient pas trop c'est quoi, c'est la suite de la saison 1, ce qui est très important. Pour vrai? Parce qu'on joue Clémentine, qui était celle qu'on protégeait dans la première saison. Yep. Donc, c'est ça. Fait qu'on continue à suivre sa vie de marde post-apocalyptique. C'est vrai que ça va pas bien pour ça elle. Ça va vraiment pas. C'est rough. Ben, pas pour grand monde, mais bon. Vu ouais, il y a ça, mais tu sais, elle en tant que telle, là, ça, elle peut la vie facile, mettons. T'sais. C'est ça. Fait que c'est un peu ça, c'est Walking Dead saison 1, qui a rapport avec les bandes dessinées, et plus vraiment avec la série, en tout cas. Je suis moins connaisseur là-dessus. Ouais. Donc, j'ai arrêté de varger les affaires. Non, c'est pas pire, j'ai pas eu de petite lumière rouge encore. Hein? Donc, on est dans les levels. Donc, c'est ça, j'aimais ça parce que ça faisait la suite à la saison 1 que j'avais adoré, dont plusieurs personnes aussi avaient beaucoup aimé la saison 1. Ouais. C'est le fun parce que tu suis directement, donc tu changes de personnage, mais tu suis l'espèce de leg que tu as eu de la saison 1. Donc ça, c'est un point que... Ouais, c'est vrai, je pense que tu dis ça, tu peux transférer ta save game puis ça continue avec tes choix ou quelque chose du genre. En fait... Il y a comme une connectivité entre les deux. Je suis plus sûr, mais je pense que si tu commences une nouvelle game genre à partir de la saison 2 sans tenir compte, ouais. Je pense que tu coches des choix. Ah, OK. Donc c'est okay, comme okay. Un peu primordial. Ouais, OK, c'est bon. Peut-être vérifier si je dis pas de la merde. Bon, c'est correct. De toute façon, on fait juste ça, de la merde des autres. Le principal du... Ouais. Incroyable! Donc c'est ça, l'écriture est encore cool. Les acteurs sont encore cool. Un petit peu moins solide l'écriture, par exemple, que la saison 1. Probablement qu'il serait pas si haut dans mon top si ça serait pas la suite de la saison 1, mais vu que c'est un petit peu un tout, ouais. C'est cool. Puis pour ceux qui savent pas, il y a vraiment, vraiment, vraiment plein de fins. Vraiment, vraiment différentes. Puis je sais fuck all qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. C'est cool, ça. Fait que c'est donc, un jeu avec beaucoup de facteurs de jouabilité. Ouais. Oui, mais non, mais oui. Parce que le gros de l'histoire, généralement, ça reste pareil. C'est plus comme justement les fins qui vont changer, ouais. Puis tu sais, deux, trois petits détails. Mais... C'est que c'est des petits détails qui font en sorte que les parce que les fins, t'es pas dans les mêmes lieux. C'est ouais. Ça qui fait que c'est fucké avec la saison 1, parce que c'est plus qu'il y a des gens qui restent, des gens qui restent pas. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Toi, t'as fait la saison 2? Non, j'ai pas fait la saison 2. J'ai fait une bonne partie de la saison 1 parce que ça venait avec ma PlayStation Vita, ça a l'air. Puis non, j'avais bien aimé, mais j'ai pas eu la chance encore de jouer plus. Fait que, mais j'aimais justement le fait d'avoir les choix puis tout ça, puis que ça allait vraiment comme un impact sur ta game, tu sais. C'est pas juste genre, tu sais, un peu à la Mass Effect, parce que finalement, ça, c'est comme ça fait un arbre, ça revient à un tronc, là, au bout, là. Ouais. Ça, c'est un peu moyen. T'as un peu de ça, mais... Ouais, mais je trouve que, tu sais, c'est moins... Ça paraît mieux, ça ouais, paraît mieux. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ça serait mon numéro 5, que je vous dirais, de cette année. Fait que j'imagine que c'est à moi. Oui. Le temps que tu trouves ton 5. Le temps que je trouve mon numéro 5. Tu vois? Fait que moi, mon numéro 5, j'ai hésité avant de le mettre parce que j'ai une relation amour-haine avec, mais ça va être l'expansion de Diablo 3, Reaper of Souls, pour la simple et bonne raison que je trouve que ça a fixé un paquet de trucs que Diablo 3 était pas correct. Fait que pour ça, ça vaut la peine d'être sur mon top 5. Mais en même temps, c'était de la merde un peu, puis l'histoire était vraiment mauvaise. Mais niveau gameplay, ça reste Diablo, fait que tu sais, c'est enjoyable, mais c'est le genre de truc que tu fais une fois, puis t'es tanné après. Là. Mais non, c'est quand même bien. J'ai eu du fun le temps que je l'ai fait, tout ça. Comme je dis, ils ont fait un paquet de changements comme le loot avant, que tu sais, c'était super compliqué d'avoir du bon loot, puis c'était souvent des affaires que tu t'en foutais un peu. Fait que tu grindes vraiment, vraiment beaucoup. Puis à cette heure, ils ont tout fixé ça. Puis le loot, c'est quasiment automatique que tu pognes des bons items pour ta classe. Puis ouais. Fait que ça, c'est la raison pour laquelle c'est comme mon top 5. C'est mon numéro 5. C'est comme. Il est border. Tu sais, j'ai pas trippé assez, mais en même temps. Christy, j'ai rien joué en 2014 non plus. Tu sais, c'est ça aussi l'affaire. Yeah, c'est tough. Pas facile. Tellement pas facile que dans mon cas, ben c'est ça, j'en ai pas de top 5. Parce que je me rappelle honnêtement pas de tous les jeux que j'ai joués. Surtout que j'ai fait beaucoup de rattrapage, bon, notamment à cause de notre émission de podcast là, qu'on a là. Tu veux dire l'affaire qu'on fait, là? Maintenant, là? C'est sur Internet? Quoi? Hein? Depuis quand c'est sur les internets, ça, là? Oh, j'ai dit à ma mère, je serai jamais ses internets. Oh non! Il va falloir qu'on se fasse oublier, là. Non, c'est ça. Fait que, bon. Moi, je m'excuse, j'ai pas vraiment de top 5 en tant que tel, mais je vais quand même parler des choses qui m'ont le plus marqué. Mais mettons la cinquième affaire sur ta liste que tu viens d'écrire de 30 secondes. Essaye d'étirer ça, là. Ben, écoute, la cinquième affaire que ça a la liste, là, c'est juste des. C'est des lignes. Parce qu'il y a 4 choix dessus, là, comme tu peux voir. Vas-y avec le quatrième. Ah non, attends, on va y aller, Ward. Vas-y avec le deuxième. Non, tu vois, ça, le deuxième, ça serait mon premier dans le top. Hey, c'est compliqué, toi, de faire un top 5. Hein? J'ai l'impression que je suis chaud d'ail. Pourtant, on a juste bu un verre. Voyons, ouais, c'est ça. Hey, t'as combien de pourcents, cette grivoise-là? 7,5. Ah, on vient rien que commencer, c'est bon. Non, fait que moi, je vais y aller avec Far Cry 4. OK? Parce que j'ai joué à ce jeu-là probablement 4 fois, 4 mois, c'est-à-dire avant qu'il sorte. Pendant 4 mois, c'est-à-dire je le jouais non-stop. Vous comprendrez que j'ai peut-être un petit peu travaillé là-dessus. Genre. Néanmoins, c'est un excellent shooter. C'est un bon FPS, un FPS. Un first-person shooter. Et donc, pourquoi j'ai aimé Far Cry 4? Bon, moi, personnellement, l'histoire un petit peu meilleure que celle du 3. T'sais, on l'oublie le douchebag là, avec ses amis douchebag qui ont fait la party. Là. T'es quand même un peu quelqu'un qui n'a pas vraiment rapport dans une grosse histoire qui devient intéressante à découvrir. L'antagoniste du jeu, Pagan Min, est quand même assez intéressant. Très bien joué par le même voice actor qui a fait la voix de Booker DeWitt dans BioShock Infinite. Ah, c'est Monsieur Joël, pis tout, là. Monsieur Chose, là. Celui qui fait tout. Il en fait pas mal, apparemment. C'est juste Nolan North dans la tête, mais. Mais c'est pas lui, non. C'est l'autre qui fait tout. Non, c'est ça. C'est ça, il y a un autre nom, ce gars-là. Mais c'est ça. Bon, ça doit être Gérard quelque chose. Absolument. Gérard Latouche. Les mêmes mécaniques de combat, les mêmes mécaniques de stealth, les mêmes mécaniques de chasse. Bref, tout est là, tout est mieux fait, pimpé par rapport à Far Cry 3. Raison pour laquelle Far Cry 4 est dans mon top de 2014. Ben, c'est correct, ça. Puis, tu sais, faut dire que les deux ont travaillé dessus, fait que on a comme une affinité. Moi, je voulais pas passer pour un vendu, fait que je l'ai pas mis dessus. Non, mais non, bon, ça, c'est... C'est juste parce que j'ai pas d'autres idées. Non, c'est ça. Regardez le parce temps. Parce que le temps, il avance, ça. Le temps, il avance. Puis, parlant de temps, c'est le moment de l'égorger du milieu. Ah, déjà. Eh oui, boy. Les gars, le temps c'est passe. Vrai que là, c'est plus vite, hein. Fait que... C'est parce que l'affaire, c'est qu'on risque d'avoir un petit peu plus de choix ce soir. Donc, on va y aller un petit peu plus souvent avec dégorger du milieu. Dégorger du milieu. Ça ressemblait à l'émission de la buteuse, finalement. Ça pourrait être fun des ballonnés rendus à la fin. Ça pourrait être ça. Donc, moi, je vais reprendre une autre gorgée. Puis, mais c'est ce que je viens de faire. Puis, non, je suis quand même surpris. Elle n'est pas aussi intense que d'autres bières de Noël. Je trouve, tu sais, il y a un bon côté épicé, mais il n'est pas dérangeant. Tu sais, il y en a des bières que des fois, c'est trop intense, puis ça fesse, puis t'es comme écœuré après trois gorgées. Puis ça, je trouve pas que. Pas si présent que ça, moi, l'épicé. Ben non, mais je veux dire, c'est ça, c'est que c'est présent, mais pas trop. Tu sais, pour moi, c'est peut-être juste parce que je n'ai pas. Il reste pas aussi. En fin de bouche, ben, il y a un petit mini fond de cannelle qui reste en fin de bouche. Là. Mais ça, c'est pas rond nécessairement. C'est quand même non, assez... non, c'est un petit peu plus stressé. Ça coule bien. Moi, je sais pas pourquoi. Je pense à la maudite de Unibrew. Je sais pas pourquoi. Un peu moins puissant. Ouais, mais c'est ça l'affaire. Autant la maudite est assez épicée, je goûte ou je détecte du moins certaines épices de la maudite là-dedans, mais la grivoise a un petit côté, une petite finition sucrée. Qui rappelle le temps des fêtes. Puis parce que la maudite aussi, il faut dire qu'elle est sur le lit, fait que ça aide aussi à l'intensité de la chose. Ah, c'est ça. Puis vu que c'est pas le même genre de bière, ce que je dis, ça a peut-être aucunement rapport. En fait, on se dit, tu parles à travers ton chapeau. Ça, t'en as dit. En fait, je parle à travers un micro en ce moment. Ah, c'est ça ce l'affaire devant toi qui dépasse. Là. Oui, ce n'est pas mon nez. Je ne suis pas Pinocchio. Mais non, ça, ben à date, j'aime bien. Toi, Yannick, comment oui, la trouves-tu? J'aime bien, je la trouve quand même balancée. J'aime ça un peu plus. Punchy. Ouais. Mais c'est quand même une bonne bière de soif. Ouais, c'est ça, hein. Je la calerais, je serais comme heureux. Ouais. Pas mal heureux, mais. Parce que. On n'en tient pas, là. Ah écoute, il y a d'autres choix. Hey, Rocco, est-ce qu'il y a 4 tops à faire? Qu'est-ce que t'as dit à propos de ma mère? Ah, ben, enchaînons donc avec votre numéro 4. Vas-y. Oh, numéro 4. 4... Eh boy. C'est pas après que. Non, juste là, okay. On cue le 4. Bon, ben, mon numéro 4, c'est Child of Light. Oh, enfant de la lumière, toute chose. Enfant de la lumière. C'est ça, comme je l'ai dit en introduction, j'aime bien les JRPG. JRPG. Les JRPG. Puis, c'est un JRPG. Donc, ça partait bien. En fait, ce que j'aimais bien, c'est le principe en dehors du projet. Que dans le fond, que c'est un dude qu'on a donné carte blanche pour faire un projet. Ouais. puis on sent justement que c'est une carte blanche, puis on sent que la création artistique est au premier niveau. Il n'y a pas de censure de production. Non, il n'y a pas de compromis, ben. T'sais. C'est ça. Puis c'est vraiment le fun d'avoir des projets de même backés quand même par Ubisoft. Là. C'est backé par un major. Donc, pour ça, j'ai vraiment trippé. Puis vu que c'est un genre que j'aime, c'était bien swell. Puis c'est ça, c'est beau. Ça, je l'ai pas décrit. Faut-tu que je le décrive? Bon, écoute, c'est comme j'écris des affaires. Écoute, tant qu'à l'avoir décrit aussi bien le dire. Bon, attends. J'ai dit que c'était à mi-chemin entre une peinture d'Amano, un film de Takahata, puis une petite odeur de restant de conte creepy des frères Grimm. Quand même, non? C'est une bonne description. Ouais, on aime ça, nous autres. C'est poétique. Hey, je... Tu devrais changer ton nom pour Poet Man. Hey, c'est vrai, on peut le faire à ce temps. Anecdote de cégep. Yes. Tu sais, il y avait les petits journaux de cégep là, tous les jours. Là. Mais nous autres, il y avait comme une section simili-BD, mais c'est le poète masqué. Oh! Ça devait être bon, c'était effrayant. C'était fou dans la tête. Donc, c'est ça. C'est artistique, c'est beau, c'est swell. C'est quand même le fun. La musique est vraiment bonne. On aura beau chialer contre... Cœur de pirate, c'est une bonne petite mélomane à faire un job. Non, c'est ça, tu sais. Je veux dire, que t'aimes la fille ou non, tu peux pas nier qu'elle a fait des belles mélodies. Tu sais, ça, là, c'est comme. Ben, je pense que sa force est vraiment une bonne mélodiste. Mélodiste. Ouais, toi, je suis dans ton coin. Moi, il était tout. Puis c'est lui qui s'était fait faire sa fesse, lui, c'est pas grave. Non, c'était toi qui a un tracteur sa fesse gauche, je te ferai remarquer. Ouais, mais en tout cas, on en reparlera de l'autre qui était. En tout cas. C'est ça, numéro 4. Ben, écoute... Toi, là, le Gaétan, ton top ben, 4. Ben, c'est un peu plate parce que c'est mon même numéro 4. Ah, fait on est comme les frères de numéro 4. Mon Dieu! Fait que non... Oh, les tontons! Fait que non, ça, moi aussi, j'étais avec Child of Light, justement, parce que j'aime le principe que c'est un petit projet qui sort d'un gros studio puis qui est super bien fait, qui a été super bien réalisé. Le côté artistique, le visuel est... hallucinant pour un petit jeu, là, je veux dire, on s'entend pour un petit jeu à 15$, des fois tu t'es habitué à avoir des graphiques un peu pixel art puis des affaires de même, parce que tu sais, ça peut être beau, là, mais c'est comme un peu vite fait. Là. Non, c'est le fun d'utiliser le excuse de te couper. Non, non, mais vas-y, c'est mon une discussion. Hein. Je trouve ça le fun qu'il ait utilisé le moteur de Rayman pour faire un autre genre que du platforming. Non, c'est ça. Ben, c'est un peu le même principe aussi avec Valiant Hearts qu'ils ont fait, puis tu sais, c'est un jeu de... puzzle, c'est un peu de la plateforme, mais c'est surtout du puzzle que tu fais, tu sais. Puis c'est exactement le même framework, puis ça paraît sûr dans le visuel, mais tu sais, c'est super beau ce qu'ils peuvent faire, puis tu sais, ça sort vraiment, comment dire, c'est comme un dessin animé, tu sais, littéralement, là. Je veux dire, c'est du beau 2D bien fait. Ben, on y reviendra, parce que moi, j'ai un petit top 2, là, il est pas... OK, ben, laisse-moi finir mon 4, puis après ça, on parlera de ton top 2. Il t'en reste 2 avant ton top 2, je veux juste te le dire. 3. Non, 2. Eh hey boy, la grivoise, fait-tu déjà effet ou... 7%. Moi, ça picote un peu. Ouais, c'est ça, tu trottes dans le local de On va faire une crise d'épilepsie dans pas long. Mais non, on ça fait on que... On fait signe ici qu'on pourrait l'éteindre. Je pense qu'on serait dû. Mais non, ça fait que... C'est un bon jeu, puis c'est pas un jeu qui est cher. Je pense que tu peux le trouver à 15$ full price, puis sinon c'est genre 7$ en rabais. Là, ouais, ben je l'ai acheté pas mal cette semaine, puis il était à 15$. Ouais, c'est ça. Puis je pense que si t'attends genre les sales de Noël, ça va être comme 5-7$ top. Là. Fait que c'est un bon choix. Puis comme je dis, c'est fun d'encourager les petits projets de même, parce que ça montre aux gros studios qu'il y a de l'intérêt pour avoir un petit projet plus créatif, mais moins cher, moins... Je veux pas dire moins complet, mais c'est peut-être moins complexe, si on veut. Ah. Des fois, la simplicité gagne au-dessus de la complexité. Ben, c'est le principe de Far Cry Blood Dragon, tu sais. Voilà. C'est un petit jeu qui est sorti à 10-15$ puis qui était hallucinant, puis ça faisait bien un job, tu sais. Et voilà. Fait que c'est rendu ton numéro 4 ou whatever numéro sur ta liste. Là, Écoute, j'ai eu le temps de faire une mini-recherche de sur les internets. Et puis, boy! Effectivement, je peux le rentrer dans mon top juste parce que j'y ai joué peut-être 5 minutes. Mais j'ai bien aimé ça assez pour vouloir y rejouer. Puis, la bouteille. Et non, c'est vérité conséquence, bâtard. J'ai pas ça dans mon temps, moi. Y a-tu une version Xbox 360 de ça? Non, moi, mon numéro 4, c'est la version Xbox 360 de Solitaire. Non, c'est pas vrai. Moi, mon... Et non, c'est Peggle, le stick Peggle. Moi, mon numéro 4, très sérieusement, là, c'est Middle-Earth Shadow of Mordor. Ben oui. Parce que c'est ça, j'y ai goûté 5 minutes de temps seulement. Je me suis fait massacrer parce que j'étais en train d'apprendre les rudiments du jeu. Mais j'ai adoré de voir comment est-ce qu'on gère l'ennemi par rapport aux joueurs. Mm. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment marqué, c'est comment est-ce qu'on va échelonner la puissance des orques à les tuer, finalement. Le système de combat a l'air assez intéressant, un petit peu à la Batman Arkham et tout ça. Là, un bord puis de l'autre, on enchaîne les combos. C'est quand même assez fluide, on sent les coups rentrer. J'ai vu aucunement comment est-ce qu'on peut upgrader notre bonhomme. Il y a même une bonne partie du jeu. Ça a l'air que oui, mais comme je te dis, c'est un 5 minutes. Là. C'est un coup seulement. Fait que, moi, je vais pouvoir dire 2015, si jamais je mets la main sur un PlayStation 4, ça va être pas mal le jeu sur lequel je vais me jouer. C'est aussi d'avoir des consoles qui marchent avec une manivelle et du charbon. Et écoute, man, moi, là, Steampunk or Die. Ben ouais, j'avoue, tu sais, ça a quand même un beau look, tu sais, c'est très hipster à Star de faire dans le steampunk. Pourquoi? Fait que on va essayer d'enchaîner rapidement pour le numéro 3 parce qu'on a un autre gorgeux du milieu qui s'en vient. Je tiens à vous dire, chers auditeurs, que ça se peut qu'on bosse là. T'sais, on va se prendre pour un tout le monde en parle. Hey, c'est Noël! Hey non, c'est leur JMP, on bosse! Ah ouais, où c'est qu'on fait flasher le mien avec ça? Mercedes-Benz. Il faudrait demander au bassiste. On s'est engagé le Mercedes-Benz? Non, c'est le Villemar Blues Band qui va venir plus tard. Yes! Parce qu'on veut toujours plus de... c'est quoi, Hugo Saint-Cyr, son nom? D'accord. Numéro 3! Cela dit, on souhaite de la santé à tout le monde en 2015. Ben, tout ce qu'il y a dans vos études, puis c'est ça. Ben, de la santé. Ah, ben oui. Voilà. Ouais, numéro 3? Attends... Mon numéro 3, c'est un DLC. J'aurais jamais pensé dans ma vie encenser un DLC. D'ailleurs, wink wink, j'en ai peut-être un autre qui s'en vient. Oh. Mais oui, et ça s'appelle Don't Starve, Reign of Giant. Oh yes! Ce jeu-là, Don't Starve, pour ceux qui n'ont pas joué, c'est un survival un peu en 2D à la Tim Burton style d'univers. Ouais. Où ce que, ben, c'est tu meurs. C'est cute, c'est creepy. Tu dies. Mais tu meurs, c'est tout. Puis, ils ont acheté une extension qui rajoute beaucoup de choses. Des nouveaux environnements, des nouveaux ennemis, des nouveaux items, des nouvelles... Plein d'affaires qui font en sorte que le jeu est juste plus nouveau. C'est comme 100 fois plus complexe, ça l'était. Plus complexe, puis moi, j'avais joué un peu dans le temps. Là, j'ai vu que l'extension est rentrée tout seul. Ouais. Fait que je vais l'essayer, puis ben, j'ai joué 100 heures à ce maudit jeu-là. Quand même. Pas dans mes habitudes à faire de. Ce qui est cool, par exemple, c'est que tu as le choix de jouer avec ou sans, même si tu l'as d'installé. Ouais, mais c'est tentant de jouer sans parce que c'est plus facile. Ouais, mais c'est ça. Mais il y a tellement plus d'affaires à faire... que non, t'as le goût de jouer. En fait, c'est un peu le principe de FTL avec son expansion, tu sais. Et voilà. C'est un autre jeu que j'ai beaucoup joué pour aucune bonne raison. Un peu trop. Mais oui, effectivement, FTL 2 a rajouté, juste en rajoutant des races, oui, mais surtout des nouveaux modules. Ouais. Ça a complètement changé la jouabilité, des nouvelles stratégies. Fait que là, t'as le goût de faire la game d'une nouvelle façon. Ouais. C'est même genre de principe. Fait que, numéro 3, j'ai pas le choix de le mettre parce que j'ai joué en Simonac cette année à Don't Starve. Ouais, c'est bien parfait, ça. It's a go! Puis, c'est vrai, j'avais pris une note. Ben, vas-y. L'extension fait en sorte que, comme diraient les jeunes loups, la game vient de changer. Oh! Hey, c'est scripté, je suis là, sœur. Ça revient-tu, les jeunes loups, ça? C'est-tu mort? S'il te plaît. Non. Non. C'est pas moi qui veux que ça revienne, c'est là. Assez. C'est assez. Non, c'est correct, là. Parce qu'on n'a jamais trop de Régent Tremblay. Ben, l'an 50 arrive, là. Ah, yes! Ça, c'est correct, mais tu sais, quand tu veux faire une pauvre copie du film Hackers de 1995 avec les boules à Angelina Jolie, là... Les boules d'incrédible, mais pas le reste. C'est ça. Exactement. En fait, je suis pas sûr si c'était des vraies boules, là, remarque. Tu sais, faudrait checker. J'étais jeune dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Dans ce temps-là? Je pense qu'on a un public qui apprécie les boules à Jolie. Et on a bien dit Angelina Jolie, là, contre pas une fille qui s'est présentée à la mairie de Montréal. OK! Incroyable! On vous a bien dit que c'était le début de l'année. Et non, on va se représenter quelque part, ça a l'air. Là. 2015. Fait que... Près de chez vous. Fait que j'ose imaginer que c'est à moi. Toi, mon... J'ai même pas le droit à un roulement de tambour. Ça fait trois fois que... Eh bien, moi, mon numéro 3, c'est Super Smash Bros. Ben, qu'un? Je sais. Je vais chialer, mais non, en fait, c'est juste... Chialant, ouais. Non, tu sais, j'ai joué à toutes les autres. C'est comme, ça fait partie ça fait partie de moi, tu sais, de mon profil de gamer. J'ai beaucoup joué à Super Smash, j'ai pas le choix de jouer à celui-là. Puis, j'ai pas joué à la version Wii U encore, parce que je viens d'avoir ma Wii U, fait qu'il y a ça, tu sais. Mais la version 3DS, je trouve ça super ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont vraiment réussi à mettre le jeu sur une console portable, ce qui est déjà assez dur d'habitude de réussir à mettre un jeu console salon sur portable. Puis ça a été super bien réussi. C'est un peu awkward à jouer au début avec les contrôles, mais à un moment donné, tu t'habitues puis ça va super bien. Ça va mieux, je pense, quand t'as la 3DS XL, là, parce qu'elle est plus grosse, fait que c'est comme mieux pour tes mains. Moi, j'ai comme la vieille 3DS, fait que c'est essayez un peu la 2DS, les amis, essayez-la. Ouais, mais j'ai déjà une 3DS, ça me tente pas de racheter une 2DS. Ça se tient bien, une 2DS. Personne me croit, ça se tient bien. Mais je suis sûr que ça se tient bien, c'est ça le pire. Ça se tient. Ça se tient bien après que tu aies acheté l'accessoire que Nintendo te vend pour 39,90. Non, ça, c'est comme le truc, je sais, pour la 3DS originale qui donnait avec Kid Icarus. Parce que ça se jouait trop mal quand tu la tenais, ça donnait mal aux mains. Fait qu'on était obligé d'ajouter un module en plastique qui donnait avec le jeu. Sinon, t'avais mal dans les mains. C'est fatigant. Mais ouais, non, sinon, le Super Smash Bros. Est super, super bien fait. C'est le même jeu qu'avant. Meilleur que Brawl, qui était celui sur la Wii, si je me trompe pas. Brawl, il était très lent. Il y a comme une couple d'affaires qui a changé, qui était pas super. Puis ils ont tout fixé ça pas mal dans le nouveau. Fait que non, là-dessus, je trouve ça cool. Pouvoir jouer on the go, en s'en allant à la job, c'est le fun, tu sais. Oui. Fait que pour ça, je trouve que ça mérite sa place dans le top. Même si je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça. Wink, wink. Juste moi qui aime pas ça, je pense. Moi, je sais même pas c'est quoi Nintendo. C'est quoi ce Nintendo? Mais ça a l'air que Nintendo, c'est pas un Nintendo, c'est du Nintendo. Tu te trompes avec le Nintendo. Ouais. Le Nintendo. Le Nintendo qui brisait les TV. Non? Ouais, je viens pas de cette région du pays-là. Ah oui, tu checkeras sur ton vidéo, oui. Il y a des vidéos explicatives là-dessus. Hey man, ça, j'ai passé du temps dessus. Là. Incroyable. Merci, c'est trop. C'était toi, ben oui, c'est écoute, ton numéro 3. Là. Écoute, la raison pour laquelle il se ramasse son numéro 3, c'est parce qu'il a été réédité cette année pour version PS4. Puis c'est cette année que j'ai découvert ça, c'est-à-dire que j'ai développé une obsession envers ce jeu-là. Rien de moins que Minecraft. Je l'ai pas vu venir. Mais la version, je pense que la version 360 est sortie cette année. Début de l'année, je me semble. Je pourrais pas dire quand 360 est sortie, mais PS4, ça s'en vient. Ça me semblait que version console 360, c'était au début de l'année. Parce que c'est très, très récent comme j'aurais pensé peut-être sortie. Fin 2013 ou quelque chose comme ça. Ah, peut-être. Je t'ostinerai pas. Mon horloge biologique fait défaut. Toujours est-il que Minecraft, bon, j'en entends parler, je regarde des gens jouer à ça, j'ai pas l'impression de comprendre qu'est-ce que c'est. Enfin, je m'y plonge, puis j'ai juste fucking adoré ça. C'est fun, good. C'est paisible, on en a fait un épisode entier de la barrique numérique là-dessus. Moi, j'ai bien aimé ça. Passer énormément d'heures, je serais prêt à... Tu sais, admettons que j'avais pas de responsabilité d'adulte, là. Tu sais, genre un enfant qui s'en vient. Exemple? Genre, mettons qu'il n'y a pas ça, là. Exemple? Ouais, je pense que j'aurais construit les plus beaux châteaux que cette planète n'aurait jamais connus. Puis t'aurais joué genre 150 heures, puis après ça, t'aurais fait un stuchetonné. Probablement. Mais donc, toujours est-il que ce que j'aime... C'est un bon jeu, je veux dire, pour l'avoir joué back in the days. C'est ça, le tout était genre en 2010. Là. C'est ça, dans le temps, c'était pas connu. Oh. Ah ouais, écoute, c'était la version, je pense, je sais même pas si c'était Alpha dans le temps quand il la vendait. Tu sais, j'ai acheté comme 10$, là. Tu sais, à cette heure, ça se vend 30-35, je sais ouais, plus. Genre. Puis il vendait ça comme le plus loin dans la production qui était, le plus cher qu'il vendait, tu sais, parce qu'il y avait plus de features dessus. Mm-hmm. Fait que tu le connais au début, c'était gratis, ce jeu-là. Me semble. Ben, en fait, tu peux te connecter et l'essayer, mais tu le possédais pas, je pense, right? Ouais, c'est ça. C'était browser. Je pense que la version browser-based, c'était gratuit, puis tu pouvais pas. Je pense que t'avais pas le mode aventure, t'avais juste le mode comme. Créatif où tu plaçais des blocs. Il faudrait genre check, là, ça fait longtemps quand même. Mais ça, moi, quand j'avais acheté, c'était la version alpha, puis t'avais comme pas de endgame. Fait que ce que tu faisais, c'était genre bâtir des trucs, puis battre des monstres, puis c'était le fun. T'sais. Mais ben, ça vaut la peine parce que j'ai quand même passé beaucoup d'heures là-dessus. Là. Quand tu joues un multijoueur, c'est fou le nombre d'heures que tu peux passer à genre juste gosser avec du monde. Faire comme, hey, on recrée genre le Millennium Falcon, puis on fait des affaires fucked up de même. Pis, Exactement. Puis c'est. Puis tu peux le faire. Exactement. Ah, tu peux le faire. Donc, tout ça pour dire, Minecraft se ramasse dans mon top cette année. Je veux pas dire que c'est le moment de la gorgée du milieu. Mais ça serait le moment de l'autre gorgée du milieu. Mais ça serait la gorgée de la fin de celle-là. C'est exactement. C'est la gorgée de la fin de. Est-ce qu'on a eu un bruit, là? Ben, il y a un bruit, mais je sais pas si ça vient d'ici. Je pense c'est des bruits, c'est pas grave. On va y aller avec le flow. Tant que c'est pas un coup de shotgun ou de quoi de même, on devrait être correct. Sais-tu? On est dans un schlag, hein? On sait jamais. On est dans un schlag. Mais remarque, cela se pourrait. Mais. On a encore plus de public en délai qui arrive. On va les accueillir au même moment où on va terminer, en fait, cette gorgée de la fin. On commence par la gorgée de la fin. Là. On va commencer par la gorgée de la fin. Fait que, cul-sec, les boys. C'est un nouveau segment, ça? Ou... C'est l'affaire, c'est que comme on a deux bières, ben là, on y va avec la gorgée de la fin, puis surprise, on va reprendre la première gorgée. On n'est pas bien regardant. Non, c'est ça. Ah, écoute, il n'y a pas d'office de la langue française. Pour nous dire quoi faire à soir. Dans un schlag, il n'y a pas d'office point. Tu sais, c'est... c'est... la fête est dans le village. Mettons, yes. Genre. Fait que moi, là, Grivoise, là, écoute, c'est plate qu'elle soit peut-être disponible juste dans le temps des fêtes parce que, comme tu as dit, elle est bonne pour la soif. Puis, vraiment? Anytime de l'année, parce que c'est pas une bière où les épices de Noël, c'est-à-dire, mettons, la cannelle, clou de girofle, muscade, des fois, qui sont un peu plus prononcés dans d'autres bières de Noël, sont très prononcés. Dans celle-là, sont bien dosés. Sont bien dosés. Je détecte un petit peu de canne de bonbons. Ça, c'est mon petit côté d'un sucré. Moi, je l'ai pas détecté, mais... Oh, mais toi, mais t'aurais pas dû manger ton sac de chips sriracha avant de t'en venir ici. Il parle de bonbons petits fruits, par exemple. Bon, OK, mettons, là. Puis de piment fumé, fait que... Ben, c'est ça, fait que c'est un bel amalgame de plein de choses qui vont bien ensemble, ouais. Qui, surprenamment, vont super bien ensemble. Puis non, c'est ça, c'est... Non, c'est... Oui, encore un excellent produit du Trou du Diable. Parce que Dieu sait qu'ils en ont fait un puis un autre, puis sont tous bons. Maudit affaire! Je tiendrais à dire une chose. Vu que c'est le moment des récapitulations de fin d'année, là... Ouais. On va lever notre verre à Trou du Diable parce que c'est la brasserie qui a le pole position dans la quantité de bière qu'on a barriquée. C'est vrai, à la parce qu'on numérique. A fait celle-là, on a fait la buteuse, on a fait la McTavish. Les quatre surfeurs de l'Apocalypse. Les quatre surfeurs de l'Apocalypse. Ouais. Ah, merci. Belle main d'applaudissement au Trou du Diable de Shawinigan. Dans votre top micro-brasserie québécoise, c'est... Ben, c'est le Trou du Diable serait numéro 1? Oui. Ben, honnêtement, cette c'est... année, mettons, on fait des tops de l'année. Ben, moi, c'est pas mal... Après la buteuse, là, c'est pas mal de vieux. Ouais, c'est ça. Top, non, Trou du Diable, je trouve qu'ils font des super bons produits, puis c'est toujours une valeur safe. Genre, tu veux une bonne bière, tu vas vers Trou du Diable, tu sais que ça va être bon, puis quasiment dans toutes les bières, je pense que j'ai pris deux autres, sont excellentes, puis ils ont la meilleure bière, selon moi, qui est la Dulce Succubus, qui arrive... une fois par année, si je me trompe pas. Ouais. Puis quand même 18$ la bouteille, mais bonne en verra. Manque-la pas, puis est bonne en verra. Non, c'est ça. J'aimerais qu'on fasse peut-être participer le public en délire, parce que eux autres aussi sont sa bière de Noël, puis j'étais juste curieux de savoir quelle bière de Noël ont-ils testé pour nous ce soir et quelles en sont leurs impressions. Alors nous, on a bu... Ton nom, ton âge, puis ta couleur préférée, s'il te plaît. Pas le sexe. J'ai pas le droit de dire ça, hein. Ça appartient déjà à quelqu'un d'autre. Ouais. Je veux dire, Gilbert Tremblay. J'ai le droit de dire ça? Tu peux dire ça. J'invente quelque chose, vous avez des noms incroyables, vous autres. Là. C'est un peu chiant. Pour avoir un nom incroyable. Ben, Poelman, c'est assez épique, là, excusez. Ok, je veux dire vraiment imberbe, ça va être ça. Oh, vraiment imberbe? Oui. À suivre sur le Twitter. Ouais. Moi, j'ai bu une grande cuvée, réserve de Noël, de la brasserie Malte du Québec. C'est trois mousquetaires. J'en ai trop bu, c'est un gros 10%, ça goûte... le pain d'épices, c'est du bonheur en bouche, c'est incroyable. Puis, serais-tu en train de dire que ça a un bon facteur gueule? Vous avez raison, messieurs. Oh, attention! Puis on vient d'ouvrir... Oh, excuse, pardon, je suis dans le micro, hein, faut parler. Ça pourrait aider. On vient d'ouvrir une résurrection de Brodeur russe, en tout cas. De la brasserie. Ça mélange trop d'affaires en même temps. De la brasserie de Nam, on a hâte de goûter à ça. Là. Nous autres, on est toujours à la dernière minute, la brasserie de fin, vers la fin. On est tout le temps dans... C'est comme... On est déjà en champ gauche, hein, tout le temps. Champ gauche. C'est ça. Fait que, puis en plus de ça, jeu vidéo de l'année, parce qu'on est dans les top, là. Le jeu vidéo que t'as le plus aimé cette année. Là. Mes yeux sont venus ronds quand t'as parlé de Far Cry, le DLC. Là, ah, le Dragon. Ça, ouais, c'était-tu cette année? Ça? J'ai-tu le droit de dire ça? On est passé l'année dernière. OK. Sinon, si je peux faire entorse, là, moi, j'ai vraiment trippé sa version PS4 de Grand Theft Auto. Ah, j'ai joué au PS3, puis c'était lent, puis je voulais pleurer. Puis maintenant, au PS4, je peux apprécier toute la violence du jeu. Quand la violence devient beauté, c'est le fun. C'est incroyable, ce jeu-là. Ouais. C'est ça. C'est un plaisir, messieurs, de vous écouter. Vous faites honneur à votre profession. Ah, merci, c'est gentil. À la bière également. À la bière. À la vôtre. Cher public en délire. Ce public-là est plus swell que celui de la fureur. Chris! Hey, moi, je te dirais qu'eux autres ont des bien plus beaux noirs. As-tu vu celui du choc des générations, par exemple? J'avoue que c'est tight. C'est tight. En plus, c'est Grégory qui suit partout. Là, c'était cœur, hein, man. Moi, je te dirais que le choc des générations ne se rend même pas encore chez nous. Fait que... J'habite que. Toi, le 2 se rend pas. Moi, des fois, je vois des images dans la neige à la TV. C'est ça. Pognes-tu Hemingford, toi, chez vous? Moi, je le pognais pour vrai. Moi, j'écoute la TV qui m'appelle la neige. C'est cela qui laisse là. L'appel du vieux dans Home Alone, excusez. Ah, oh, okay. Oh, oui. D'ailleurs, Home Alone, j'ai réécouté ça en fin de semaine. Ils seraient morts, les deux. Hein. Ça, c'est mort, puis il était plus longtemps, on s'entend. J'ai juste une chose à dire, Chris, oui. On s'entend que des galons de peinture d'en face, tu meurs. Là. Je veux dire, il n'y a on pas. Je sais pas à quel point c'est violent, puis à quel. Hey, c'est un fer à repasser d'un étage de haut, bien chaud d'en face. C'est ça. Hey, la quantité de headshots qu'il y a dans ce film-là. Hey, c'est grave, hein? Oui. Hey, puis il tombe de 2-3 étages des fois, puis c'est pas grave. Il tombe de 2-3 étages. Sur des deux parties. Non, excusez. Sur des feuilles de plywood qui cassent dans des échafaudages en métal sur un lit de briques avec des galons de peinture qui leur tombent dessus. Il y a des tessons de verre aussi en fusion. Absolument. Ceci étant dit, c'est un excellent film de Noël. Vous devriez tous l'écouter. Le meilleur film de Noël, c'est Die Hard. Oh! On a des fans de Die Hard ici. On a des fans de films de Noël ici. J'hésite. Entre Die Hard pis Gremlin. Gremlin 1, là, c'est un Christy bon film. Yippie-ki-yay, c'est ça, là. Moi, là, j'ai rien qu'une affaire à dire, puis c'est... Yippie-ki-yay, motherfucker. Ouais, c'est ça. Pauvre con. Pauvre con. Moi, je suis incapable de... Faut l'écouter en français. Die Hard, je suis désolé. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme... Tu sais, j'apprécie Wayne's World dans les deux langues, mais j'ai trop écouté en français à cette heure pour l'écouter en anglais, puis je suis comme... Ah! T'auras jamais le blé! Un jour, elle sera mienne. Un jour. Oh oui. Je t'aime! On est parti sur une chire. On est vraiment parti sur une chire. Fait qu'on a une autre bière qui s'en vient. Hey, moi, deuxième bière. Public en délai de tête, mais je vais me faire un petit fond de votre affaire de brasserie du NAM là, que j'ai vu. La résurrection. À déboucher ça. Ben, débouche tout là. Ça. Ouais, il n'y a pas de pichit parce que c'est trois mousquetaires. Un spoon. Avoir un spoon. Un bon puff. Un spruitzen. Merci, mon cher monsieur Tremblay. Yes! Hey! On dirait du champagne. Oui, parce que l'arbre est dans la fête. Maridon. Maridé. Puis boit ta bière. Oh! Un autre groupe qui joue ici. Oui. On devrait peut-être faire la genèse du local V. Il y a plusieurs groupes de musique qui pratiquent ici. Puis parce qu'on est au constat de fin d'année et tout ça, le local dans lequel on se trouve, c'est le local de pratique pour le groupe Des Ébauches, qui est un band bien le fun du Québec. Qui fait dans le français, qui fait dans le rock, comment je dirais bien ça? Mettons qu'ils reprennent un petit peu où est-ce que Carquois aurait peut-être laissé des affaires. Mettons là, c'est tiré par les cheveux peut-être, là, parce qu'il y a de la grivoise en moi, et je suis devenu grivois moi-même. Oui, tu t'es bu à toi tout seul, celle-là, coudonc? Ouais, fort possible. Taboué! Dis, on a splitté une à deux, puis je commence à sentir, toi... Picote un peu, hein? Moi, là, on va te dire une affaire, man. Moi, là, mon foie, là, je l'ai remplacé par un radiateur de tracteur. Fait que je suis capable d'en prendre. C'est quoi ça, un foie, anyway? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Non, mais ça pour dire que... prochaine bière. Oui, vous aimez ça, le rock? Écoutez ça, Des Ébauches. On est dans leur local. Leur album s'appelle Le Prisme des éclats. C'est maintenant disponible en ligne. Ils vont donner des spectacles bientôt, début 2015. Allez checker ça. Yes, sir. Comment? À l'Abreuvoir le 16, c'est bière à Abreuvoir. Bière à Abreuvoir, 16 décembre. C'est ça, décembre? De cette année? Si jamais. T'es sûr que c'est pas 2025? Non, non, 2015. Ah. 2015. Voilà. Fait que. On a dit 16 janvier? Hey, là, commence pas à faire. Toi pis ta grivoise, là, peux-tu passer à la prochaine bière? Adélé sur MySpace, bien important. C'est ça. On enchaîne donc. Mon cher, présentez-nous cette bière. Yes. Oui, c'est la Weizenbock. Je ne sais pas si mon allemand est bien ouais, prononcé. Ouais, c'est Weizen. Weizenbock. Qui est de la brasserie Les Trois Mousquetaires à Brassard, qui est une de mes brasseries préférées. Très bonne. J'adore ce qu'ils font. C'est ouais. Assez, toujours excellent. Oui, il y a une Doppelbock que j'ai bu deux. Mm-hmm. Que j'ai, ouais, la Doppelbock est assez spectaculaire. C'est meilleur. J'avais hâte de goûter à ça. Puis la description, c'est une brune de blé. Parce que la Weizenbock, c'est un mélange comme d'une bock. Ouais. Puis d'une Weizen, qui est une bière de blé. Weizen. C'est ça. C'est comme une bière de blé assemblée avec une bière brune. Fait que ça fait comme une bière blanche, pas blanche. Ça fait un. En tout cas, ça fait une grosse charognerie bien épaisse. Qui goûte bon dans la gueule. Qui goûte bon dans la gueule. Une charognerie bien épaisse. C'est ça. Elle est à 10,5%. Fait que c'est comme ton petit vino rosé. On appelle ça le facteur fun. À 10%, là, c'est le facteur fun. C'est le facteur ballonné. C'est ça. C'est le facteur fun et ballonné. Messieurs du local, j'espère que Nez Rouge se rend jusqu'ici à soir. Là. Parce que moi, c'est pas. Oui, c'est possible. Très bien, fait qu'on va essayer ça. Hubert Rive va nous faire un livre. Hubert Rive va connaître, si tu viens de chercher ici, il fait un cours d'astrophysique, tu tombes chez vous. Ben, Chris, c'est bon, ça. Banni en France, ah, ouais, la connaît. T'apprends en t'en allant chez vous, aussi, c'est bon, ça. Ça reste mon verre, celui-ci. Oui, celui-ci est ton verre. Bon, fait que allons-y avec la première gorgée. Cheers encore, parce que c'est un Christy de l'épisode à date. On mettra le gâteau aux fruits à grand-maman. C'est bon, ça. Ouais, gorgée du milieu, gâteau aux fruits. Et pas là, je viens de prendre une première gorgée, puis ça, c'est dans une autre classe. Oh! Ah ben oui! Ah ben oui! Ça a beaucoup de dignité, cette bière-là, je dirais. Ah ben oui! Alors, on roule ça dans ta gel. Ouais, ça a un facteur roulage de gel. Ah. Bien important. Ah, définitivement. Ah, écoute. Écoutez, c'est liquoreux, là. Ça a ça épouse de toutes les formes. Ça, c'est le genre de bière que tu demandes intraveineuse tout de suite. Comme, aucun doute là-dessus. Mais ça, là. Tu peux la faire geler puis l'amener en lunch aussi. Tu manges avec des patates, c'est écœurant. Ben, la bière de blé. Avec de la pectine puis faire une espèce de petit pain de gelée. Non, à cette heure, si tu veux être fancy, tu mets de l'agar-agar, là, ça fait de la belle gélatine puis tu manges ça. Là. Tu sais, c'est-tu de D-Tem, genre, c'est meilleur que de la gélatine, whatever, je sais pas. Là, c'est... Ah, burn! Ça dit les hipsters à cette heure. Hein. Ouais. Donc, fait que, c'est ça, c'est ma bière de Noël. Ben, c'est excellent. À date, là, c'est très bon choix. Puis merci d'avoir amené. Ben, je pense qu'on a beaucoup de matériel à mettre sur notre nouveau Tumblr qui est maintenant en ligne, là où on a diffusé le dessin gagnant. Shameless plug! Et un très beau texte. Je sais pas si c'est Gilles. Non, ou c'est moi qui ai écrit ça. Parce que moi, écrire, ça existe pas. Je sais pas, j'écris deux mots. Non, c'est ça, je vais vous confesser quelque chose. J'aime ça écrire. J'ai toujours voulu faire virevolter ma plume, si on veut. Puis, comme vous pouvez voir. T'es assis, on voit pas. Ah, d'accord. Puis... Comme avec la petite Thibault, là, t'es dans la tête. Avec la petite Thibault dans la grange. Juste à côté du poney pendant qu'il dormait. Pour parler de la petite Thibault! Ça va être le fun. Non, mais il y avait pas de chaise roulante ce soir-là. Donc, c'est ça, toujours est-il que le Tumblr servira à ça. Ça sera pour vous faire quelques chroniques du genre sur certaines expériences. Et ouais. Puis. Je vais essayer d'écrire moi aussi. Là, tu sais, je vais essayer de m'y adonner là, quand je vais avoir du temps. T'as besoin des conseils, je vais t'en donner plein. Fait que tout ça pour dire qu'on va vous mettre en ligne sur le Tumblr la plupart des bières qui ont passé par ici. Un lien pour le Prisme des éclats. N'oubliez pas de découvrir Monsieur Poilman parce que c'est un bon stock aussi. Ça va devenir un peu notre vrai site web parce que Podbean, c'est plus comme une plateforme pour les podcasts. C'est un hébergement. On va appeler ça de même. Là, c'est une niche. Non, c'est ça. Il y a un petit peu d'espace pour pouvoir mettre de l'info, mais pas assez pour pouvoir y aller allègrement et librement. Fait que, avec un Tumblr, ça va bien aller. T'sais, surtout qu'on l'a depuis comme le début puis on l'a jamais utilisé. Fait que... C'est parce qu'il n'y avait pas vraiment de contenu, mais là, après un an et demi de barrique, je pense que le contenu commence tranquillement pas vite à s'agglutiner autour d'un point central. Ben, ça a l'air. Voilà. Enchaînons donc. Hein? Avec la raison pour laquelle on est ici. Avec ton numéro 2. On est rendu au top 2. Attention! Numéro 2! Mon top 2, c'est un autre DLC. DLC Porn. De Last of Us, Left Behind. Oh, pelaï! Moi, je suis un grand amoureux de Last of Us. Ce serait dans mon top 1 pour tout le futur puis tout le passé. Ce jeu-là m'a bouleversé, m'a fait pleurer. Chamboulé beaucoup de choses dedans moi. Donc, j'étais très heureux d'avoir le DLC d'histoire de Last of Us, qui est le seul, par exemple, c'est mon gros bémol. Ils ont juste fait un seul DLC d'histoire. Ouais. J'avoue, j'ai trouvé ça un peu plate. Faut encore que je finisse Last of Us, tu vois. J'ai commencé, j'ai jamais fini, mais non, ça avait l'air d'être quelque chose. De ce que j'ai joué, fait que si tu vois, je vais. C'est. Ah oui, j'ai eu beaucoup de misère à ce point-là du jeu. Ouais, c'est pas évident. Non, pas tout à fait. C'est inversé, hein, comme qu'on dit. Ouais. Donc, c'est ça. C'est pour ceux qui ont joué à Last of Us, qui se demandent qu'est-ce que c'est ça, Left Behind. Ben oui. C'est un espèce de montage parallèle qui se passe dans le moment où ce que Joel, spoiler alert, s'est mangé une barre de fer dans le foie. Puis il rush un peu. On sait que le foie, ça sert à rien, fait. En tout cas, là, il s'en ennuie. Il colle une Molson X, puis elle passe pas. Asti, qu'est-ce qui se passe? Je bois ça, puis ça, en tout cas. Sans fois, la Molson X est rough. T'sais, pour l'avoir essayé une fois, là. M'en suis fait poser un autre après. Tu sais, je voulais juste être safe. Une chose qu'on avait un super. Ouais, c'est ça. Il y avait un qui traînait genre en arrière de la grange. C'est pas clair comment il était. Il pas chier, il était fourni ça. Non, mais ça, t'as pas besoin de foie quand tu fais un retire un cochon. Fait que tu le gardes de côté. Ah, écoute, tu sais jamais quand ça peut servir. Hein, des retailles, là. C'est comme des retailles d'hostie, tu sais, c'est la même affaire, tu sais. Ils sont juste pas bénites. Non, ils sont pas bénites. Ben, ça t'empêche d'aller en enfer puis manger des hosties en simonac. Il y a ça, par exemple. Je trouve quand même que c'est un bon point. Mais, bon deal. Donc, c'est ça, c'est un montage en parallèle entre ce moment-là. Donc, Ellie essaie de sauver le foie de Joël. Et aussi, on a des flashbacks dans le passé de Ellie. Fait qu'on construit l'historique d'Ellie en même temps. Il y a des liens d'histoire qui se font entre les deux. C'est très cool. Ils ont quand même amélioré le gameplay, ce qui était une bonne chose pour un simple DLC, parce que pour une fois, tu te bats contre des humains et contre des bébites en même temps. Oh, ce qui n'était pas le cas avec Last of Us, parce que c'était quasiment séparé avant. Là. C'est ça, puis c'est quasiment décevant parce que ça ajoute une nouvelle couche de stratégie, puis ça aurait été le fun de l'exploiter un peu plus dans le reste du jeu, mm-hmm. parce que là, tu peux tourner les bébites contre tes méchants, si tu dois rester dans ton coin et te frotter les mains. Donc, c'est ça, c'est un peu court, malheureusement, pour ça. Puis, encore une fois, les thèmes sont excellents. La force des thèmes, tout ce qu'ils ont mis autour de Ellie. Il y a même un petit bec de lesbienne, pis tout, en tout cas. Ah oui. C'est tout le kit est là. Je pense qu'il va falloir rater ce podcast M pour Mathieu. C'est ça. Oh, oui. Puis, c'est ou ça. C'est juste un DLC, mais je pouvais pas le mettre dans mon top parce pour mon amour. De toute façon, c'est sorti. Puis, c'est un excellent DLC aussi. Ça aurait été le fun d'en avoir plus, malheureusement. Cool. Mais on va faire une parenthèse très rapide. On vient de signer un film pour The Last of Us. Oui. Tes impressions là-dessus? Penses-tu que ça va être bon, mauvais? Ça dépend de ce qu'il fait, je pense. Personnellement, je trouve que c'est un peu inutile parce que t'as tellement une approche cinématographique au jeu que t'as déjà couvert cet aspect-là. Mais là, dans le fond, ce qu'on enlève avec le film lui-même, c'est l'aspect interaction. Non, c'est ça, c'est que tu mets un mur où est-ce que le jeu, il n'y en avait pas. T'sais. Tu vas juste regarder, puis je ne suis plus vraiment participant dedans. Parce que, autrement dit, ce qu'on veut dire, c'est le vrai. C'est quoi le mot que je cherche là? L'immersion. C'est l'immersion, c'est-à-dire le vrai. L'hameçon, c'est d'y participer, c'est d'être là. Il y a un mot que je cherchais. C'est sûr que c'était pas hameçon, mais je comprends ton point. Le fait, c'est que. Dans le fond, Last of Us, il vient te chercher toi, puis t'as pas le choix d'embarquer si tu veux vivre l'expérience. Non, c'est ça. En fait, c'est le principe d'un jeu. C'est que vu que tu participes à l'histoire, puis tout ça, tu sens plus. Comment dire, c'est involved. Là. C'est ça, t'es impliqué. Impliqué, c'est ça. Ouais, le mot que je cherchais. Implication. Et le mot de la soirée est. Implication! Hey, on se créerait à l'instant gagnant, piou, piou, piou, piou, piou, piou, piou, piou. Là, là, j'ai besoin de réponse. Là, là. Come on, on est rendu à 2000$, s'il vous plaît. Là, là, j'ai zéro appel. Le mot, c'est chat. Appelez, chat. Comment ça, j'ai pas d'appel? Bonjour, je m'appelle Roger. Est-ce que la réponse est chat? Non! C'était chat avec un apostrophe. Revenons à nos moutons. Moi aussi que c'est le fun d'asseoir. Public en délire. Ok, voilà numéro 2. On a fermé aucune idée finalement. Hein? On a. Je pense que non, rendu. Next! Je pense que pas un sujet qu'on a clos comme du monde à soir. C'est important parce que on fait juste ouvrir des portes pour les prochains épisodes. D'abord, c'est toutes des. On est dans Lost Calis. Bon, là, spoiler alert, vont nous poursuivre parce que c'est leur podcast. Puis, on s'excuse, JS, là, c'est pas de notre faute. Là, on veut pas parler de Lost, non, là, c'est correct. On là. Veut pas être pris là-dedans. Là. Non, c'est ça. Ça va finir cheesy en six. On va encore saigner du nez. Puis, Fait que. On était rendu au numéro 2 de notre cher Guetta. Ben oui, c'est à moi. Roulement de tambour, s'il te plaît. Ok. Mon numéro 2, c'est Shovel Knight, qui est un petit jeu qui est sorti par Yacht Club On Games. On dit Nuit de Pelle. Je sais pas si je devrais rire ou pleurer. Je suis comme dans une espèce d'entre-deux. Là, c'est... Fais les deux, man. C'est Noël. Hey, moi, je suis fun et rare. Hey boy. Fait que, ouais, le Chevalier de la Pelle ou la Nuit de la Pelle, dépendant si t'es bien chaud. Moi, je préfère une nuit de l'appel. C'est-tu comme vivre dans la nuit, ça? Dans la nuit, c'est de même pas que je veux faire ça. On a le groupe en studio! C'est qui déjà qui chantait ça? Knox, je pense. Non. On aurait dit Corbeau, mais je pense que c'est pas Corbeau. Encore, ça me fait chier. Ouais, c'est ça, Marimé. Marimé, elle fait tout. Ça doit être Marimé. Ouais. Elle fait du Rammstein Pop, elle. Fait que Shovel Knight, petit jeu sorti par Yacht Club Games cette année. Jeu très rétro. Tu sais, vraiment, ça fait penser à Megaman. Vraiment, le style. Là. Puis la musique, parce que c'est le même. Ouais, c'est vrai, DuckTales avec la pelle. Puis je pense que c'est le même compositeur que les premiers Megaman, si je me trompe pas. Faudrait... C'est Jake Kaufman et Madame Megaman 1. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que vraiment, quand t'écoutes la soundtrack, t'as vraiment l'impression de jouer un vieux jeu de NES avec une soundtrack qui torche. Là. Qui des péteux. Ouais, exactement. Puis tu sais, ils ont vraiment fait un bon mix entre le style de jeu rétro, puis tu sais, une couple d'affaires genre nouveau, là, avec des maps un peu plus grosses, mais c'est quand même des stages puis tout ça que tu vas faire, mais... Okay. Tu sais, vu qu'ils ont les moyens technologiques à cette heure de faire un jeu plus imposant qu'un vieux jeu de NES, tu sais. Non, c'est cool. C'est vraiment un super bon jeu. Si vous n'avez pas essayé, c'est... Je pense que c'est quasiment sur toutes les plateformes. Non, c'est pas vrai. Il est PC. Encore. Non, ça, il est... Ça en vient. Ouais, exactement. C'est PC, Wii U, 3DS. Puis je pense PS3, PS4, Vita s'en vient. À savoir Xbox, je suis pas sûr, là. Mais okay. Fait que tu sais, ça va être pas mal là, un peu all across the board, là. Fait que si vous voulez l'essayer, allez-y, c'est un super bon jeu. Puis c'est pas super long, mais ça fait un job le temps que c'est là. Puis c'est pas un jeu cher, là, c'est 10-15$. Fait que il y en a. Le rapport qualité, fun, temps, tout est là. Ben crème, pourquoi ne pas sauter là-dessus? Mais non, ça, puis ça encourage un petit studio, ce qui est bon. Oui. Puis en espérant qu'il fasse un autre jeu, parce que ça, c'est sorti de Kickstarter ou Indiegogo, un des deux, je m'en rappelle plus. Puis exactement. Fait que. Merci public. Fait que ça, c'est le fun de voir un jeu qui sort d'un Kickstarter puis qui réussit. Tu sais, souvent les projets Kickstarter, ça sort pis t'es comme. Finalement, c'est. Ouais, c'est ça, c'est pas exactement ce que c'était. Ou tu sais, je pense que le meilleur Kickstarter, c'était la salade aux patates. Sérieusement, là, ça. J'aurais donc aimé donner pour avoir la salade aux patates. Sérieusement, je suis pas sûr que ça aurait été bonne quand elle serait arrivée. Tu sais, c'est. S'entend, ça part de quoi, l'Ohio, quelque chose du genre. Fait que un coup ici, c'est moyen, tu sais. Et le public en délire devient de plus en plus grand! Ah, et il se remet dans l'état où il était. Alors. Fait que toi, ton numéro 2, c'est. Moi, mon numéro 2, c'est un jeu que. Chinois, c'était ça. Une autre. Ouais, c'était plus comme un espèce de petit gong. Ouais. Écoutez, moi, quand j'ai entendu parler, j'étais comme, hey, s'il vous plaît, faites-moi pas une autre version de ça, Nintendo 64. C'est pas le cas. Il y a eu des déboires. THQ a fermé ses portes. Ubisoft a racheté une partie montréalaise. Ils l'ont repris sous leur aile. Ils l'ont repoussé la sortie. Si je, devine de quoi tu parles, c'était sur le bord d'être dans mon top 5. Oh, ouais, pour vrai. Ouais. En tout cas, il est dans le mien, fait off. Mais toujours est-il que le parc du Sud, le bâton de la vérité, South Park, The Stick of Truth, il est dans mon top parce que maudit que j'ai eu du fun avec ça. Ah écoute, c'était bien fun. C'était drôle. En tout cas, on en a fait un épisode ça, la fois, t'as juste pris des trucs qu'on avait des épisodes de... Non, c'est pas... Ben non, parce que si je regarde Shadow of Mordor, il est pas là. Si Far Cry... Oh, mais c'est des affaires qui s'en viennent, ça. Calé, tu spoil nos épisodes, tabarnak. Hey, ben, moi, je m'en vais. On appelle ça avoir un esprit de continuation. Toujours est-il que c'est ça. South Park, The Stick of Truth, c'est quoi? C'est un RPG? Ouais, c'est un... Side-scroll RPG? Est-ce qu'il est jerk-pug ou il est... Ben, ou c'est du... Ah oh, non, c'est un Westpug. Ben, tu sais, c'est d'inspiration jerk-pug. Ouais, mais parce que tu sais, c'est du tour par tour. Ouais, ça, c'est turn-based. Puis c'est. Exactement. La présentation est très JRPG. C'est juste que tu sais, le. Non, excuse-moi. La présentation, elle est South Park. Ouais, c'est ça, je veux dire. Mais comme. Le gameplay est JRPG. Oui, c'est ça. Mais la présentation, c'est purement typiquement américain South Park. Là, absolument. Fait que si vous avez écouté ne serait-ce que 5 secondes de South Park, le jeu a le même visuel que ce 5 secondes-là que vous avez vu. C'est pareil. C'est juste pareil. C'est juste très bien fait. Vous incarnez le nouveau dans le village. Vous n'avez pas d'amis. Puis votre but au début, c'est de commencer votre nouvelle vie dans South Park en vous faisant des amis. Puis vous vous rendez compte que ben, South Park, il se passe de la funky shit, pas à peu près. Puis vous devez vous y impliquer. Tous les enfants du village se sont séparés dans différentes factions, donc il faut les infiltrer, il faut les amadouer, il faut les mettre de son bord ou pas. Naturellement, on va se mettre amis avec Kyle, Cartman, Kenny et Stan de ce monde. Naturellement, Butters, c'est votre premier ami. Moi, j'ai tellement été content quand c'est arrivé. Butters, c'est toujours le meilleur. Hein? Butters, là, c'est quoi que Timmy... Timmy. Timmy est cool, il est relativement limité, mais ce que Butters a toujours un as dans sa manche. Il y a toujours un petit moment où est-ce qu'il descend encore plus. Ah non, mais tu sais, le cute pour ça. Le special power de Timmy où il bégaye, puis tu sais, c'est de toute beauté. Là, pardon, ce n'est pas Timmy, c'est l'autre. Parce que Timmy, c'est le jeune en chaise roulante qui fait sa chanson hardcore metal. Le gars qui bégaye, je Ah, Jimmy, pas ton... c'est Jimmy. Jimmy, tu vois, t'étais à une lettre près. J'étais si près. Oui. Je blâme la grivoise et la Weisenbach. Et voilà. Pourquoi il est dans mon top? C'est parce que c'est un 16 heures de gameplay à peu près. Mettons que tu y vas vite, là. 16 heures, tu peux passer à travers. Mais c'est qu'il est le fun. Il est le fun dans le sens où si tu es un fan de South Park, tout est là. La vulgarité est là. L'obscénité est là. On dépasse cette ligne-là, là. Oui, puis on va la redépasser tout de suite après. C'est là dans ce jeu-là. Ah, écoute, ça n'a pas de bon sens. Tout ce qu'il y a à dire, c'est que je pense que je l'avais dit dans l'épisode, mais tu sais, il y a un bout qui se passe dans une clinique d'avortement, tu sais. Oh, c'est intense là. Ouais. Il y a des quick time events qui sont. Ah écoute. C'est cela. Fait que, avec les elfes, voleurs de slip, puis ouais. Écoute, fait on parlait tantôt de Enfants de la Lumière. si vous avez. Tous les noms français là. On n'a pas le choix, je te l'ai dit, man. On a des cotons. Elle m'a payé la Christie d'amende, le rendu là. Ben, j'espère parce que moi j'ai plus une. Allez, là, je parle pas des noix, là, je parle de l'affaire que tu payes là, comme le pinottes, là. Ouais, c'est ça, les pinottes. C'est ça. Ah, les tarifs, moi je paye des peanuts pour des amandes. Noix de Grenoble. Pacan. V'là un Kleenex, le man, assis-toi le sang là, qui sort de ton nez, ça n'a pas rapport. Ah, ça fait mal. Tout ça pour dire que si vous avez aimé Child of Light, mais que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus A pour adulte, allez avec South Park The Stick of Truth. C'est du turn-based combat avec beaucoup de F et de S-word. C'est très M et A, tu sais. Le classement SRB, là, il est intense. Il l'a. Je regarde le temps, on est rendu à la gorgée du milieu. Hey, gorgée du milieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire gâteau fruit. Là, merci. J'espère que vous pouvez vous permettre de manger tout ce qui est... Ah, écoute, beaucoup, certain. Parce que ça, c'est genre gâteau aux fruits, je me suis rendu compte, c'est l'affaire la moins friendly pour les allergiques. Ah, ben tu vois, moi, j'ai aucune allergie. Puis je suis convaincu. À moins que t'aies mis de la pénicilline là-dedans. Moi, mais je pense. Moi, s'asseoir que je découvre aussi, j'ai des allergies. puis je suis convaincu qu'ils rajoutent de l'huile de poisson juste pour être sûr que tout le monde meurt. Est-ce qu'il y a de l'huile de Lorenzo? Parce que. Moi, c'est... J'ai entendu dire que c'est important. Je pense que oui, grandement Thérèse l'aimait un petit peu pour le moisture, le petit côté moelleux. J'avais complètement oublié ce film-là, puis ça m'a traumatisé quand j'étais jeune. Peut-être parce que c'était rough. Ben oui, mais il y avait mal, pauvre petit pit. Pauvre petit gars. On se souvient tous du film à cause de l'annonce, mais on n'a jamais vu le film. Non, c'est ça, l'annonce passait. L'annonce passait à TQS genre 12 fois par jour. Tout de suite après l'annonce du prochain Caméra 89. Là. Ouais, ça, entre l'épisode de Caméra 89 puis celui de Coup de Foudre, c'était pas mal. Donc, je vous conseille de prendre une petite bouchée ou une bonne bouchée de gâteau aux fruits. On commence par la bouchée. Et pendant que le gâteau aux fruits continue à comme gosser dans votre gel, mais vous enchaînez ça d'une petite gorgée de Weizenbock. On y va avec un accord. Wow. Un accord, oui. Hey, man. Allons-y. On fait un accord dans un local de rock. Excusez. Fallait que je le fasse. Fait que moi, j'indulge là-dedans, là, direct là. Tellement. Mais tellement. Ma foi. Ah, c'est malade. Écoute. Ce fut une révélation un soir de gaucho. Ah, écoute. Si seulement vous étiez ici. Allez vous acheter du gâteau aux fruits tout de suite. Là. Allez vous acheter une Weizenbock. Puis essayez ça en même temps, c'est hallucinant. Je tiens juste à vous dire C'est Noël dans sa gueule. Facteur gueule Noël. Hashtag facteur gueule Noël. Hey, je vais le rajouter. C'est bon ça. Nous autres on a du gâteau aux fruits de la grand-mère Thérèse, de M. Poilman, qui est probablement le meilleur de tous les temps. Qui est de toute façon toute notre sœur et notre mère en même temps. Ouais. Oui. Je pense que notre public en délire s'est investi dans la musique de Noël. Ah, il va! Hey, c'est la version dance! T'es débile! La fête est pognée dans le village. C'est une des tunes, ces compilations qui passaient à TQS justement. Tu sais, les pubs, là, genre Noël Danse 83. Là. Noël Mix 83. C'est Noël On Danse. Là. Ah, c'est ça, c'est Noël On Danse. Je suis sûr que ma mère a genre au moins 3 CD de C'est Noël On Danse, t'sais. C'est tout de la même. Mais en fait, c'est un continental qui dure 45 minutes, tu sais. On baigne du gâteau. Un continental gâteau, là, c'est toujours winner. Mm. Hey, il reste un bout de gâteau, public en délire, aimez-vous ça? Public en délire. Yeah! Wow! Bon, vous allez pas nous faire jouer de la musique de Noël pour rien quand même. On vous donne du gâteau aussi. C'est ça. C'est bien mieux d'être conscient. Alors, c'est ce qui met fin à notre top 2, je crois. Ça va être le top 1. On arrive. Ou des mentions spéciales. Avez-vous des mentions spéciales, là? Non. C'est tout le temps des mentions spéciales. Ben, moi, je dis qu'on pourrait faire une mention spéciale avant le 1. Okay, les autres, c'est ça qu'ils font. C'est le moment de la mention spéciale. OK, moi, je vais y aller avec mes mentions spéciales, mais après vous autres. Calice. Ah, j'ai des notes. Non, il y a des notes. Joue back les boys. Ok, c'est bon, c'est bon. Mes notes. L'honneur à l'invité en partant. Ah, c'est trop d'honneur. Dans mes mentions spéciales, Shadow of Mordor, Moutou, j'ai mis ça là-dedans parce que, comme dirait Rebecca Black, fun. Puis est-ce que c'est ça qu'elle disait? C'est ça, j'ai compris. Moi, je me souviens juste du moment où on se fait conduire par ses amis. Puis, c'est ça, le Nemesis System, là, le concept des ennemis. Là. Moi, j'ai à peu près 10 heures de jeu. Puis, je pense que j'ai fait 1,2% de l'histoire. Le reste, j'ai juste vengé ma peau. Parce que quand tu te fais tuer, le méchant, il reste là, il gravit en échelon. Tu veux te venger, tu veux péter à gueule, tu peux le retrouver dans la map parce qu'il est tagué. Bref, c'est vraiment un système vraiment excellent. C'est de prendre les affaires qui existaient déjà puis de faire de quoi de cool. Avec... Sinon, j'ai fini Spec Up The Line, qui est un vieux jeu. Ouais, mais c'est un sleeper hit, ça, vraiment. C'est vraiment cool. Moi, je suis pas un méga fan de ça. Mais quand il y a une histoire, justement, j'embarque plus. Puis ça, l'histoire, même si la finale est un peu boîte-boîte, c'est là. Ce que c'est, là, ouais. Mais le reste, la ride est vraiment le fun. Vraiment un petit hidden gem, je pense. Non, ça, c'est un jeu qui est sorti, puis le monde était comme, un autre jeu de shooting militaire, on s'en calisse. Finalement, le monde s'est mis à jouer, puis c'est comme, OK, c'est vraiment un Christy de bon jeu. Là. C'est vraiment sorti de nulle part. Puis... Surtout que, parce que il me semble qu'il y avait d'autres jeux dans la série Spec Ops qui étaient vraiment, tu sais, comme vraiment ouais, moyen. Pas débile. Fait que ça a passé dans le bar, mais tout le monde que j'ai connu qui ont joué à ce jeu-là, on dit que c'était vraiment, vraiment, vraiment bon. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas joué. Sinon, on a parlé un petit peu tantôt, FTL Advance Edition, qui renouvelle complètement le jeu. C'est super trippant. Jouez à ça si vous n'avez pas joué. Et sinon, j'ai un gros mea culpa. Je l'ai fait beaucoup sur les Twitter, mais je vais le faire en ondes. Oh! Le jeu... On est en différé, hein? Le jeu... Pour que tu saches. Oh, non, c'est ça. Mais le public en délire est live! OK, fait que quand il va faire son mea culpa, public en délire, s'il vous plaît, réagissez. Donc, c'est ça. Je tiens à m'excuser à la compagnie Miss Walker. C'est ça. Dirigé par M. Sakaguchi, qui est le père des Final Fantasy. Bref, blablabla, vous googlerez tout ça. Il a fait un jeu sur mobile, sur téléphone cellulaire, qui s'appelle Terra Battle. Quand ça a été annoncé, j'ai chialé. Peut-être que c'est pas comme. C'est quoi, c'est le Final Fantasy All the Bravest, là, que c'était du. C'est juste swipé. Ouais, mais ça, c'est de la dompe. C'est vraiment de la Christine. Mais Terra Battle, c'est pas de la dompe. Ouais. C'est le fun, c'est un free-to-play. C'est beau, des super beaux dessins, artwork, tout le kit. La musique est de feu de M. Nobuo Uematsu. Ah, puis c'est lui en plus qui fait la soundtrack. C'est lui qui fait la soundtrack. Nice. Elle est écœurante. Puis c'est super généreux comme free-to-play. Okay. T'es pas obligé de payer, tu peux te faire du fun. T'as pas genre un paywall vraiment rapide ou ce que c'est non. Comme, OK, pour gagner, il faut absolument que tu payes. Tu t'offres longtemps, puis ce que t'as à payer, tu peux ne pas le faire. C'est vraiment, tu sais... Comme n'importe quel free-to-play, maintenant, il faut t'attendre pour jouer. Oh, ouais. Mais c'est généreux, c'est bien fait. Je dois m'excuser. Je m'excuse, Sakaguchi-san. Gomen. Alors, message envoyé. Donc, c'était mes mentions spéciales de ma part. Quinte, oui. Hein. Fait que c'est à moi, ça a l'air. Ben, si tu veux, moi, je pourrais y aller aussi. Ouais, regarde, je vais y aller. On va aller dans la continuité, qu'ils disent. Ben oui, nous autres, on est anti-horaire. C'est on ça. On est pas de même. Fait que non, mais en fait, je voulais aller que même style de mention spéciale, parce que j'allais dire FTL. Tu mets notes? Mais non, c'est correct, ça va aller. mais non, FTL, parce que la simple et bonne raison que j'ai pas joué avant cette année, puis je sais que le jeu de base n'est pas sorti cette année, mais tu sais, je l'ai pogné dans une vente genre sur GOG ou de quoi de même, là, qui était pas cher, puis je fais j'en ai entendu parler, je vais l'essayer, puis c'est vraiment un jeu qui m'a impressionné. Le genre de petit jeu simple, mais complexe en même temps, tu sais, c'est il y a tellement de choses que tu peux faire là-dedans, puis t'as tellement de possibilités, puis de randomness, ça lâche pas. Moi, j'irais avec ça. Puis en plus, c'est mon Gaétan, t'as-tu déjà fait le tour à ce jeu-là? J'ai jamais fait le tour. Moi non plus. Parce que je finis le temps pour me faire tuer, comme rendu à la fin, puis je suis comme fuck you, cochonnerie de merde, puis je kick mon ordi, puis je mets tout en feu, en tout cas. Puis il va te passer 2-3 maisons de même. Mais non, c'est ça. C'est ça le pyromane du rang. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est de même qu'il me surnomme dans les médias locaux, tu sais. Mais ils savent pas que c'est toi encore. Non, dans l'écho des vallées, là. Je pense que ça a été acheté par Québécois, ça, récemment. Ouais, tout transcontinental a été acheté. Non, c'est ça. Mais ouais, ça, je dirais ça. Puis sinon, il y a aussi la réédition de Binding of Isaac. Binding of Isaac Rebirth. Qui est sorti sur PC récemment, je pense, sur pas mal toutes les consoles. Puis, non, c'est un super bon jeu. C'est dur à expliquer pareil. C'est un peu le principe d'un twin stick shooter dans un donjon qui est aléatoire. Puis, tu gagnes des items au fur et à mesure que tu vas qui vont te faire gagner des pouvoirs, qui vont te faire rendre plus puissant ou moins puissant dépendant des items. Il y en a qui sont comme moins funny ballonnés, mettons. Mais ça, c'est une autre belle découverte. J'avais joué au premier Binding of Isaac qui est sorti ici. Ça fait quand même un bout de temps, je pense que c'est 2011. J'avais vraiment adoré, mais ça, ils ont vraiment refait tout au complet parce que le jeu original était fait sur Flash, qui est comme un engin de boîte. On s'entend, le Flash... C'est un engin. C'est même plus existant, ces internets. Ils ont enfin éliminé les Flash. Pas assez. Ouais, non, c'est ça, pas assez. Mais fait que c'est ça, fait que ils ont tout refait avec un nouvel engin puis tout ça, des nouveaux graphiques, ils ont rajouté un paquet de trucs. Fait que c'est vraiment un super bon jeu. Si vous avez la chance justement sur PC, il doit être 15$. Puis encore là, tu attendais le Steam Sale de Noël, si vous voulez pas payer cher, il va être comme 7$. Quinte, oui. Hein, des suggestions en vue en vlog. En vlog, gars. Des trucs de consommateurs. Yes. Hey, check. Vaux-tu l'argent que j'ai pas, là? C'est ça, là. Direct, ça a peau. C'est ça. La peau des foufounes. Fait que toi, mon Gilles, c'est ben, quoi? Moi, l'affaire, c'est... Il y a pas vraiment de Je suis pas un assez gros consommateur de petits jeux ou de trucs du genre. Mettons. Mettons que j'ai commencé à jouer à Two Dots là, sur mon téléphone, puis je trouve ça le fun. Mais ça, c'est moi. On appelle ça des jeux de bol. On n'ira pas plus loin là-dedans. Cette année, c'est les Archie modernes. Genre, cette année, enfin, cet été surtout, parce qu'il faisait chaud en Calvins, j'ai terminé de jouer à Red Dead Redemption. Oh là là! J'ai fini ma game cet été, là. Pendant la canicule. C'est une expérience de jeu qui est bouleversante. En général, je dirais. La fin est le fun. Tout le gameplay est cool. Il y a plein de quests que j'ai voulu terminer juste pour booster mon bonhomme. Mais t'as pas besoin d'y faire tant que ça. Il y a tout le temps de l'action. Il y a plein d'affaires qui se passent. Il y a une vérité dans ce jeu-là. Il y a quelque chose qui vient te pogner par les schnallens. Puis... Ça les fameuses schnallens. Oui, puis ça te dit, ah ouais, man, sois le justicier ou le pire truand de l'Ouest. Puis tu peux l'être, d'un bord comme de l'autre. Puis en terminant ma partie cette année, j'ai indulgé dans toute la portée émotionnelle de ce jeu-là. J'ai passé un maudit beau moment. Puis je pense qu'il était juste temps, hein? Je veux dire. Toi, j'ai même pas joué, fait que. Ah non? Je pense qu'il y a des gens qui nous ont déjà commandé un épisode pour ça. On y reviendra. Ah ouais, qui? Hein? C'est des notes du name dropping. Traite comme ça, je pourrais pas m'en rappeler, mais si on y va dans les archives de le Twitter, on pourrait peut-être les trouver. Pour une fois, c'était pas moi. Ouais. Ben, ça, vu que c'est pas un Jeperg, ça se pourrait. Parce qu'on s'entend qu'il y a comme trois personnes qui interagissent avec nous autres, anyway. Fait que, mais c'est les meilleurs! Ben oui! Oh! Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que Red Dead Redemption, terminez ça, super bon. Essayez-les, c'est Grand Theft Auto dans le Far West. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça marche. Cool. Une chose à dire, hashtag, t'es sur un cheval avec un lasso puis tu peux traîner quelqu'un en arrière. Hashtag à ta boy. Annoncer la suite, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va s'en venir. Un mea culpa. Tout le monde est bien hypé pour Dragon Age Inquisition. Moi, j'ai essayé de jouer à Dragon Age 2. Excusez, mais... Ouais, mais Dragon Age 2, c'est comme pas la référence. Tu joues au premier. Mais anyway, toi, tu vas haïr ça de toute façon. Je sais d'avance que tu vas haïr ça. Mass Effect, je comprends pas pourquoi j'ai de la misère avec ça. Mais j'avais essayé Dragon Age 1 aussi, puis j'ai jamais embarqué. Okay, j'ai trippé sur Mass Effect. Bon, mais c'est dur à embarquer dans Dragon Age, honnêtement. Le premier est meilleur que le 2. Le 2 était très axé sur l'action. Ouais. C'était pas super réussi. Tandis que le premier, c'est comme un hommage à Baldur's Gate parce que c'est un peu la même team qui ont travaillé dessus aussi. D'accord. Fait que, ouais, c'est ça. Voilà. C'est tout. Fait que, tout ça pour dire que moi, j'ai pas trippé. Informatif. S'il vous plaît, dites-moi que j'ai tort ou dites-moi que j'ai pas rapport. Mais paraît que Dragon Age Inquisition, il se trouve un peu entre le. C'est meilleur que le 2, moins bon que le premier. Mais tu sais, ça dépend du type de gamer que t'es. Fait que peut-être que pour toi, tu vas trouver le strabisme, là. On va passer. Hey boy! Le strabisme est fort cette année. Ça a pas de bon sens. Fait que, je pense. On va y aller top 1 parce que tu sais, je regarde l'heure. Puis. Non, tout ça pour dire que. Ça avance. On est-tu dans le gros troupe sale? Ben, on est dans la gorgée du milieu de la Weizenbock. On l'a fait, ça. On l'a fait. On en refait un autre. OK! Moi, je l'aime bien. C'est la gorgée de la fin. C'est supposé être la gorgée de la fin. OK. Moi, je dis qu'on va au top 1. OK. Puis après ça, on va faire la gorgée de la fin, comme tu veux. Ben, c'est surtout que le temps file, fait que tu sais, faudrait. Le temps file, puis on a probablement 13 minutes pour arriver à un double épisode de Noël. Genre, puis c'est surtout que, tu sais, on est comme 20 minutes over le temps qu'on est supposé avoir. Mais tout ça pour dire, on aime ça. C'est le dernier final countdown. Les gars, dernier décompte. Attention! Numéro 1 pour tout le monde, c'est quoi toi, mon cher Poilman? Mon numéro 1, moi, vous allez être surpris, c'est un Jerpug. Un Jerpug, et ça s'appelle Bravely Default. Oh, yes! Mm-hmm. Un petit Jerpug sur 3DS. C'est sorti un peu, pas de nulle part, mais c'est juste que c'était un peu dans la nouvelle vague de les Jerpugs qui repognent à la mode... En Occident, puis là, les compagnies japonaises commencent à nous en pitcher un peu plus, ouais. À mon grand plaisir, puis c'est très cool. Puis un peu ouvert la voie au nouveau buzz, je dirais. Donc, c'est ça, c'est un JRPG où on joue Agnès oblige. Shout-out à minuit le soir. Et ses amis, qu'il faut qu'ils battent le mal, comme dans n'importe quelle niaiserie de JRPG. La vraie niaiserie maudite. C'est ça, parce qu'il y a un mal qui s'attaque aux cristaux. Aux cristaux élémentaires, puis aussi les méchants s'attaquent à son culte de morons qui est un peu comme un du gros catholicisme niaiseux. Nice. Mais, fait que t'as comme une espèce de pan religieux. En tout cas, bref. Il se passe bien les affaires. Bref, pire description ever. Non, mais écoute, c'est pas grave, pour un numéro 1, nous autres on prend ça. On est broche à foin, comme vous le savez. On est broche à foin, puis anyway, avec tout ça de bière qui est rentrant dedans de nous autres. On l'est encore plus. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, tu sais. Genre 17,4% de rentrer dans le corps. On vise pas 100% à soi. Je vous le jure. C'est pas un examen, il faut que t'aies 60%. Faut pas travailler là-dessus, parce que sinon on sort pas du site vivant. Oh, balai, non! Mais c'est ça. Là, je sais qu'il y a du monde, là, je les entends. Là, je les entends. Ah, mais tu sais, Brave Default, là, tu fais la même crise d'affaires, c'est plate. Ah, as-tu des noms comme ça? Tu as du monde sur Twitter qui pourrait nous écouter, qui est. Non, tu me prends pas. Ah, tu vois. Mais c'est parce que oui, pendant un tiers du jeu, tu fais la même crise d'affaires, puis c'est de la maudite marde. C'est vraiment de la marde. Mais après le tiers. Mais il y a comme deux autres tiers du jeu qui sont cool. Fait que le premier tiers est cool, le deuxième tiers est marde, puis le troisième tiers est vraiment cool. fait que ça te prend comme 100 heures à faire tout ça. Oh, c'est comme un 40 heures que c'est marde. C'est un peu cruel. C'est quand même 60 qui sont cool. J'ai failli abandonner souvent. Fait que il a failli être pas dans mon top à cause de ça. Mais je l'ai terminé au complet, la vraie fin, ce que personne n'a fait. En tout cas. Genre Antoine Bouchard. Genre Antoine Bouchard. Fini-les, asti. Puis c'est ça, l'histoire reste captivante dans les bouts de ce qu'il y en a. Donc, pas le 40 heures que j'ai parlé de. Le système de classe, c'est cool. Moi, j'aime bien le système de classe. Puis c'est vraiment un feel, là. Quand j'ai fait ma première bataille de Bravely Default, je me suis senti dans Final Fantasy 1. Ouais. Okay. Tu sais, la première bataille que tu te fais crisser une estie de voler, tu dis « Oh, ce jeu est difficile. » Ben, c'est ça qui arrive dans Bravely Default. Après, ça se rebalance. Mais fait que c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de fans de JRPG qui ont aimé ce jeu-là parce que tu avais vraiment un feel vieux Final Fantasy, même si c'est pas un Final Fantasy officiellement. Puis en fait, je pense qu'il est vraiment numéro un pour une raison principale, finalement. C'est la musique. Ah. La musique à rock. Grand méloman. Simonac. C'est une des meilleures soundtracks qu'il n'y a pas eu dans les plusieurs années d'eux. Donc, ouais. C'est ça. Numéro un, Brief Default. Yes. All right. Mon cher, à toi. Yes, mais numéro un. Puis là, je vais me faire haïr pour ça parce que c'est tellement un jeu simple et niaiseux, là. Mais. Pour moi, c'est Donkey Kong Country Tropical Freeze sur Wii U. Parce que c'est? Ouais, ah non, littéralement. À la radio, littéralement. Non, si on a une tension, on a un petit peu de malaise. Beaucoup de malaise. Tu me diras ça sur le Tumblr, littéralement, voir. Ouais, c'est ça. Voir. Non, mais sans joke, je viens d'avoir ma Wii U, ça a été un jeu qui était avec, puis j'ai adoré ça parce que. Moi, si un jeu qui me fait sentir comme un kid de 8 ans, là, comme le kid de 8 ans que j'étais quand je jouais au Super NES, là, pour moi, ça, c'est un jeu réussi. Puis Donkey Kong Country Tropical Freeze, il fait super bien. C'est le même style de gameplay, un peu plus difficile que ce l'était avant sur Super Nintendo. Okay. Mais c'est pas mal le même genre. La soundtrack est hallucinante parce que c'est M. Wise qui est revenu. Oh. Fait que c'est les mêmes tunes que t'avais dans les vieux Donkey Kong Country, mais remixées beaucoup. Ah ouais. Okay. T'en as une couple qui sont nouvelles pareil, mais t'en as beaucoup qui reviennent. La plus grosse. La nostalgie est là. Ouais, tu sais, une des plus grosses, c'est Sticker Brush Symphony, qui est comme une des meilleures tunes de Donkey Kong Country 2. Puis ils ont fait une version remixée pour un des stages dans Tropical Freeze. Puis t'arrives dans le stage, t'entends ça, t'es comme holy fucking shit. Tu retombes un kid là. Fait que pour moi ça a été un gros coup de cœur, puis je le joue encore là, puis j'ai autant de fun, puis même que malgré qu'il y a beaucoup de stages des stages cachés qu'il faut que tu débloques en faisant certaines actions spéciales, tu sais, j'approche de la fin juste du main story, puis je suis comme fuck, j'ai pas le goût de le finir. Fait que tu sais, je joue comme par-ci par-là, mais je suis comme ah fuck you là. Donc c'est pas super long, c'est faire le main story, ça doit être ah, écoute, là, un 7-8 heures top, là. Ah, ouais, on en aurait pris plus. Ouais. C'est un platformer, c'est-à-dire faire 20 heures de platformer à un moment donné. Non, c'est ça. Mais en fait, je dis 7-8 heures, ça dépend vraiment comment tu joues, parce que si tu unlocks bien des stages, c'est plus long. Si tu unlocks moins de stages, c'est moins long. Tu sais, je dis 7-8 heures en moyenne. Non, honnêtement, si vous avez une Wii U, allez le pogner, ça vaut la peine. Puis. Ça a l'air d'un jeu pour kids quand tu le regardes, parce que c'est Nintendo, c'est super joyeux, puis cute, puis tout ça. mais c'est vraiment, vraiment dur. Tu sais, j'ai jamais été sur bord d'avoir un game over parce que les vies arrivent à l'infini. Là. Bon, c'est ça, c'est ton téléphone qui sonne en même temps. Je là. Sais bien. C'est idée aussi d'avoir les appels. Je vais vous laisser terminer sur votre numéro 1, mon cher. Ben écoute, fait que c'est ça. Fait que non, on l'entendra pas, ça va être super. Fait que c'est ça, non, c'est un bon jeu. Puis, c'était ma livraison de tracteur. Ah, elle est enfin arrivée. Ben oui, tu sais, on en a besoin. Hein. Du John Deere, j'espère, ou du Oliver? Moi, j'aime le Case. Oh! Je préfère le roux ou vert. Ouais, lui, il est wild un peu. Moi je suis plus John Deere parce que je joue avec valeur sûre. Moi, je suis Oliver. T'sais. J'aime ça quand il y a une poulie sur le côté. Une roue sur le côté. Puis ah, c'est vrai. Ah, ouais. Fait que toi, ton numéro 1, mon ouais. Gilles? Sans aucune surprise, si vous m'avez suivi un petit peu sur les Twitter, vous savez à quel point je suis un fanboy de Borderlands, le pre-sequel. C'est bon, c'est le fun, tu tires des affaires, il y a des lasers là-dedans, man. Il y a des double jump pasteurs puis des slam down attack. Tout est là. C'est Borderlands, pour moi, c'est mon jeu préféré. C'est la vie. C'est non, c'est pas la vie au complet. Mais je suis déçu. Mais au moins, en tout cas... Pour ce qui est de moi, là, Borderlands, meilleur FPS, à mon avis, parce que c'est long. Il y a du leveling, il y a du character development, t'as un skill tree, t'as des points, tu dépenses ça, tu deviens toujours de plus en plus fort, t'as des badass ranks, c'est donc mais cool ça. Puis c'est ça, c'est juste... C'est la liberté de tirer sur tout ce qui bouge. Ouais. Borderlands incarne ça. Tu peux toujours avoir le meilleur gun pour tirer encore plus d'affaires. J'ai passé comment dire, j'ai commencé une partie avec Clap-Trap. Ouais. Que j'ai aimé, c'est correct. Puis après ça, j'ai commencé avec Willem parce que on saura que dans Borderlands 2, on doit l'affronter à un certain moment donné qui n'a aucunement la même forme que celle qu'on incarne dans le pre-sequel, mais l'affaire étant que on voit un peu la genèse de certains personnages, on voit les origines de certaines histoires, on comprend pourquoi certaines choses se passent comme elles se passent dans Borderlands 2. Et ça se passe en fait sur Elpis, qui est la lune de Pandora. Puis on va osciller entre la station Helios, qui est la grosse station Hyperion qui est dans le ciel. Ouais. Toute la mécanique est là. Il n'y a pas vraiment de gros changements au niveau de tout ça. Sinon, quand on est dans j'allais dire la pesanteur, mais quand on est dans les zones où il n'y a pas d'atmosphère, on semble avancer un petit peu moins lentement, même si on essaie de sprinter. Mais les double jumps sont toujours là pour nous aider. Il y a toujours beaucoup de piou-piou à avoir. Toujours plus de piou-piou. Toujours plus de piou-piou. Il y a toujours plus d'explosions. Il y a toujours plus de grosses jokes sales. Puis des références à tout ce que vous pouvez imaginer. C'est dans Borderlands, le pre-sequel et même le 2. Jouez à ça si vous aimez les FPS qui ne cessent de finir. Non, c'est ça. C'est long parce que, tu vois, Borderlands 2, j'en ai mis au moins 50 heures dedans avant de le finir. Là. Ah non, c'est ça qui est le puis fun. J'ai pas... Tu sais, oui, j'ai fait des side quests, mais je n'ai pas fait tant que ça. Il y a encore bien du stock que j'ai pas fait. Puis là, on parle pas encore des DLC. Puis on parle pas de tous les secrets que tu peux découvrir à chacune de ouais. toutes les cartes qu'il y a dedans. Ah, il y a du stock, là. Puis c'est là que je vais le dire. Moi, dans Borderlands 2, quand j'ai, après avoir joué à Minecraft, enfin découvert la référence, puis c'est une méga fucking bonne référence à Minecraft. Non, c'est correct. Tu peux vomir un petit peu sur le... Donner une gorgée à mon micro. Toujours plus de vomisseur. L'autre côté, le verre. Ouais. Vers toi. Ça veut dire que quand je mets de la bière dans mon micro, ça va pas dans ma bouche? C'est pas supposé, en tout cas. Si bol. Ça dépend s'il y a un tube. Ah, on m'a mal expliqué la physique, je pense. On t'a expliqué ça, toi? Ben... Hubert Rive est venu te chercher. C'est lui qui m'a fait un lift la dernière fois que j'étais complètement en paf. Hubert Rive. Sacré Hubert. Fait que non, moi... Il est bien blood, Hubert. Rubert. Il est blood pour vrai, Hubert. Oui. Ah, il est blood, Hubert. Vous comprendrez qu'à 17,5%, on est juste assez cher. On est fun et ballonné. Ah oui. Fait que non, moi c'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps. Le plus de temps, tout simplement. Good. OK, je pense qu'on est rendu à la gorgée de la fin. C'est pas mal à gorgée de la fin que j'ai même déjà terminé. Oh, ouais. Sacrifice tes poches. Ah, je suis un genre de même, moi. Il en reste même plus, en plus. Pour c'est qu'on... même pas grave, parce que je pense que j'ai eu mon côté. On aurait pu chiner là-dessus. Ben ouais. Chiner avec le... Ben, chin avec le verre vide à cet épisode spécial. Merci bien de m'avoir invité, les ben, gars. Écoute, on te remercie énormément d'avoir été là. Merci d'être venu. Ça fait un honneur. Ben écoute, pas trop d'honneur parce que. Pas trop d'honneur à avoir une zone. On est assez bas dans l'échelle. Si mais on... non, honnêtement, t'as été un de nos premiers supporters. Fait qu'on se disait que tu te devais d'être ici ouais, avec ouais. nous autres. Ça va au-delà de la simple victoire du concours de dessin. Là. Non, c'est là des pots de vin. Non, ouais, écoute, Yasti, mon portefeuille. Non, cache tes sapos. C'est ça, sapos, sapos. Mais non, c'est ça pour dire que c'est pas la seule fois, je pense, qu'on va savoir tous les trois ensemble. C'est non. pas la seule fois qu'on va avoir un public en délire. c'est pas la seule fois qu'on va faire un spécial de Noël, fait que d'ici là... À moins que le podcast meure dans la prochaine année, s'il vous plaît, faites que ça meure pas. Ah non, non, on pourrait jouer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que ça meure, les amis? Ben là, faut nous écouter, premièrement. Fait oui, que, un, allez nous écouter. Si vous nous écoutez pas, c'est une claque dans la face. Écoutez-nous, puis vous pouvez nous écouter sur le Podbean, sur le RZO Web. Sur iTunes. Sur le iTunes, on est sur 3 places, là. Ben ouais. 3! Trois. Dans pas long, man, c'est quoi, là? C'est plus que le nombre de rangs du village. Genre. Le premier rang, le deuxième rang, puis la main. Ouais, c'est à peu près ça. Puis encore là, la main est louche pas mal. Moi, je la compte pas comme un rang. C'est sur la main! Je vais même pas à l'église, la main, tellement qu'elle est louche. Ah, écoute, l'église, la main, on ne touche pas. Okay, fait que, qu'est-ce que faire? Ben, c'est ça. Écoutez-nous. Ouais, écoutez-nous. Suivez-nous sur le Twitter. Twitter, Facebook. Avec nous autres parce qu'on aime bien ça, vous renvoyer ah ouais, des jokes. Comme c'est con, j'ai ça de dire ça, mais si vous nous aimez, ou même si vous ne nous aimez pas, allez me laisser une note sur iTunes. Hey, j'ai jamais fait ça, je m'excuse. Ah, ben, c'est correct. C'est pas grave. Mais non, c'est pas correct, faut que j'aille le faire. Non, mais c'est genre. Tu pourrais être le premier à le faire. Ben, non, hey, on en a déjà 5, tu sauras. Que c'est? J'ai oublié tout le monde. Hey, c'est bon. Je pense qu'il y a J.S. Chaplot qui a été, puis il y a 4 autres personnes, mais il faudrait que je me rappelle. Je pense que J.B. Gagné qui est allé, puis une couple d'autres personnes, mais... Voyez-vous comment est-ce qu'on est tellement petit qu'on est capable de vous name-dropper direct dans l'épisode? Fuck yeah! On est gros de même, nous autres. Ah, on vous fait aime que, autant non, ça. C'est ça. Fait que, tiens, interagissez avec nous autres. Inscrivez-vous à notre podcast, peu importe la plateforme que vous avez. Puis, non, ça. Puis, répandez la bonne nouvelle. Écoutez, tu sais, quand on fait des annonces, dites-le à vos amis. Vous puis, ne connaissez pas le pouvoir du bouche à oreille. C'est fou, hein? Offrez-leur ça à Noël. Tu sais, on s'entend, là. Offrez la barrique à une bonne caisse de 12 de barrique. On vous donne le droit de ripper nos podcasts, mettre ça sur un CD, puis le donner à quelqu'un. Ah, les autres, on est open source. Ah non, écoute, n'importe qui peut nous prendre. sur Napster. Les Facebook et puis le Tumblr aussi qui va commencer à avoir plus de contenu. Ah, mais continuez à écrire des beaux petits articles. Moi, j'ai trouvé ça bien swell. Moi, je vais essayer de faire ça. Là. Les chroniques de Sofastein. Quand je t'assis sur mon sofa puis que je sais plus trop quoi faire de ma vie, je pense que... Après ta troisième maudite, puis... Quelque chose comme ça, effectivement. Ou ta première grivoise. C'est ça. Fait que, dernière gorgée? Hey, gorgée ouais, dans la gorgée. Messieurs, ce fut un plaisir de vous avoir avec nous. Notre prochaine invitée... Non, c'est pas vrai. Puis, tout ça pour dire que merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Merci beaucoup de nous écouter. N'oubliez pas de peser sur pause, de peser sur save game. Et on se revoit... À la prochaine. En 2015. Yay! Bye bye.